Je vais vous présenter l'offre de parrainage EDF. Papy, qu'est-ce que tu fais là? Il faut partir maintenant. Hein? Ah bon? Ben oui, maintenant, c'est le filleul qui gagne le plus. Jusqu'au 31 décembre, souscrivez un contrat d'électricité en offre de marché et devenez filleul pour bénéficier de 40 euros remboursés sur votre facture d'électricité. Infos et conditions sur edf.fr/parrainage. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère! Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Oui, oh, ma voix. Oh, bah, c'est terrible. Ouais, bah, ouais, et on va pas le refaire. Non. Les gens, plus. C'est l'authenticité en fait. On est proche des gens, est-ce qu'on va nous mettre les menottes pour ça? Ouais, peut-être. Non, franchement, je propose. Ah pour l'expérience wow, sociale. Ça l'ambiance, du coup. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Floodcast. Comme à l'accoutumée, je suis avec Adrien Méniel. Oh, tu vas pas rire tout le long. Peut-être si t'as cette voix mais tout le long, je vais rire. Attends, bon, avec une IA, on va changer ta voix. Attends, mais je peux la poser un peu comme ça. Oh, j'aime bien. Ouais, on a oui. une autre ambiance. C'est tellement suave. Skyrock, malheureusement. Ouais. années 90. Ça va, écoute, j'étais malade un peu ce week-end, mais ça va. Tu vois, toi, quand toi, je vois ta, j'entends ta voix, je me dis tout va bien, quoi. C'est un peu dur, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Arrête. Comme à l'accoutumée, nous sommes avec deux invités. Notre première invitée est autrice et créatrice de contenu sur Internet, des contenus où elle fait son maximum pour d'EDSA au service de la France. Absolument. La légende raconte qu'elle a popularisé, pardon, voire inventé les expressions « ma belle » ou « ok vu ». C'est Tunis Hilton. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, et vous? Peut-on t'appeler Nadia pour le Absolument. Raison? Très bien. Ou Madame Tunis Hilton, tu décides. Nadia, c'est très bien. Tu choisis. Ouais. On arrive à recevoir notre second invité, est auteur et humoriste. Il jouera bientôt à Dax, Pau, Montréal, Lyon ou encore Strasbourg. Oh yeah. Vous pouvez entendre ses chroniques sur France Inter dans l'émission Zoom Zoom Zen. Et on attend encore son retour dans l'émission C'est à vous. Ça fait deux mois, c'est fou maintenant. C'est Merwan Ben Lazar. Ouais. Pas de news. Ça a pas l'air d'être prévu pour tout de suite. Tu sais, des fois, les mails, ils vont dans les spams. Ouais. Regarde. C'est que ça, j'actualise en permanence tout seul sur mon balcon. Mais non, rien du tout. Comment ça va, Merwan? Ça va. Semaine de déménagement, slash tournée, slash demain. Entre aujourd'hui et demain soir, 4 fois le spectacle. Donc mais ça oui, va. J'ai une vie à 100 à l'heure. Un petit peu chargé, un petit peu chargé. De cocaïne. Ouais. Ah, je comprends, mais normal. C'est un reco, je crois. Enfin, ouais, j'en parlerai. Exactement. Bah, chers amis, on va comme d'habitude faire le jeu du Floodcast avec cette voix effectivement qui va me perdre pendant. Donc peut-être tu devras me remplacer, Adrien, à un moment. Ouais, on va trouver un truc. On va trouver un truc. Mais bois de l'eau. Mais je bois un bon Pepsi à 10h15. C'est pas ce que recommandent les médecins. T'as perdu ta voix? Ouais, j'étais allergique ce week-end. Il y a beaucoup de pollen en ce moment. Ouais. Il était allergique, mais juste ce week-end. Ouais. Juste, maintenant ça va. Non, et ouais, la voix est un peu partie quoi. Okay. Mais bon, après, c'est pas comme ça. Si t'as fait la teuf toi encore, je suis sûr. Elle a fait la chouille. Oh là là. Tu connais l'élixir de Bolchoï? Non, c'est quoi? C'est un truc, ça se vend à la pharmacie du Théâtre Français à Paris. Ah, c'est ouais. Genre en gros, l'opéra de Bolchoï, ils étaient venus. Plus de voix, mais ils ont ils avaient un élixir. Et comme c'était leur élixir à eux et que c'était l'opéra de Bolchoï, ça s'appelle élixir de Bolchoï. Okay. Et en gros, t'as plus de voix. Ouais. T'en prends le matin, l'après-midi t'as de la voix. Mais ça, il y a des trucs on a vu hein, ouais. Moi, c'était sur un tournage, le tournage de Groom, ouais. Où je qui est le Bolchoï. Oui, c'est l'équivalent. Bah, historiquement, c'est à peu près le même même popularité. Le même impact. Et j'étais en train de perdre ma voix. Et ce jour-là, il y avait Marc Lavoine qui venait jouer dans la série. Il m'a dit. Ah, vous l'avez pas vu venir à 10h15. Il m'a dit. Attends, tu perds ta voix. Attends, j'ai un truc super. Attends, moi, je prends ça le soir, je peux chanter et tout. Il me l'a donné. Rien, ça n'a rien changé. Quel escroc. Donc, il m'a fait payer 500 balles quand même pour ça. Non, putain, Marc Lavoine ne prend pas la carte vitale. C'était sympa de ta part, mais ça n'a pas du tout marché, je peux le dire maintenant. Ok, voilà. Mais c'est quoi? C'était un truc à prendre une fois? Ouais, c'était un comprimé quoi. Et il m'a après, dit. Après, la voix de Marc Lavoine, elle est comme ça. C'est oui, c'est ça en fait. J'avais la voix de Marc Lavoine en fait. C'est juste pas ma voix quoi. Mais même si c'est Marc Lavoine, il faut pas prendre les comprimés qu'on te donne, d'accord? Fais gaffe, hein. Alors, selon l'enquête annuelle menée par Opinionway, donc pas de la merde, attention. Encore eux? Mais oui, toujours. Putain. Quelle est la marque préférée des Français? Tout produit confondu. Alors, Rassemblement National, c'est une marque ou pas? C'est déposé. Mais, tout produit confondu? Ouais, tout produit confondu. Décathlon? Pas Décathlon. Nestlé? Pas Nestlé. Alors, ouais, bah, parce que tu vois, Nestlé, mais comme il y a les sous-marques de Nestlé. Est-ce que c'est dans Nestlé? Alors, je ne sais pas. Est-ce que c'est de la bouffe? Numéro 1, est-ce que c'est de la bouffe? Mais pas de la bouffe. Ah, quelle marque au pluriel? C'est un top 10 quoi, en gros. C'est quoi. Un top 10, mais je vous demande le numéro 1. Après, si vous avez les 9 autres. on pourrait passer un pur délire ensemble. Okay, okay. Tu veux le top 1 en privé, tu vois. Okay. Est-ce que c'est de la bouffe le numéro 1? Le numéro 1 n'est pas de la bouffe. Le slip français. Pas le slip français. Non, on a déjà dit Rassemblement National. C'est pas ça. Ok, est-ce que c'est du hi-fi? De l'électroménager, mais genre, ouais, je suis le vieux vendeur d'arty. C'est ton déménagement, en fait. On dans le bon coin, là. Oh, une chaîne hi-fi en parfait état. Compact disque. Alors, il y a de la tech un petit peu, mais pas dans le numéro 1. Ah, pas Apple dans le 1. Ah non, pas dans le numéro 1. Pas dans le numéro 1. Pas dans le numéro 1. Ouais. Wow. C'est une marque française? Ouais, on cherche des marques pas du tout françaises, non. D'accord. Ouais. On a perdu. Donc c'est McDonald's? Ce n'est pas McDonald's. C'est pas de la bouffe, c'est vrai. Pas de la bouffe, pas de la tech. Pas de la tech. Vêtements? Pas vêtements. Ah, c'est pas Célio du coup. Non, on sort de mon, on sort de mon univers du coup. Attends. Attends, qu'est-ce que ça peut être? Je pense que c'est les éditions Hachette. IKEA. Ce ne sont pas les éditions. IKEA. Non, ce n'est pas IKEA. Mais c'est ameublement lifestyle un peu. Non, pas. Ameublement lifestyle. non, mais. Mais je suis tombé dedans moi. Dans le cercle de réel, la déco de maison et tout. Ah bah bien sûr. C'est des ménages, ouais, ça y est. Mais non, mais même. Il me propose que des lumières jaunes à mettre partout là. Mais ok. Moi j'ai des lumières qui changent de couleur, mais c'est pas vrai. Après il est pas là pour t'impressionner. Non, tu verras mon appart, tu seras très peu impressionné. Partage une expérience de vie. Mais pour l'instant sur deux anecdotes, on a une, j'ai des lumières multicolores et un Marc Lavoine. Mais ouais. Ouais, après, ça pose le décor quand même. La prochaine, c'était on était en boîte de nuit, les lumières changeaient de couleur avec Marc Lavoine. J'étais DJ, bon. Putain, donc c'est pas meuble. Non, pas meuble. Pas meuble, pas bouffe. Non, pas meuble. Pas high tech. C'est un truc genre Sony et tout là. Non, ce n'est pas Sony. Non, parce que à chaque fois, pas tu fais. Mais, mais les gens, ils voient pas. Oui, il fait. Non, avec les yeux, il fait genre bien joué, et avec la bouche, il fait mais n'importe quoi en fait. Je suis le pervers narcissique du podcast. Je te fais croire, je t'envoie des signes au contraire. Non, en fait, le numéro 2, ça s'approche de ce que tu dis, mais le numéro 1, on en est à 1000 lieues, si je peux vous dire. Oh, wow. Attends. Ça fait loin. Ouais. Picard. Ah, est-ce que c'est tout simplement pas Picard. Des supermarchés, quoi? Non. Je veux dire, le... Là, il m'a pas fait avec les yeux bien joué. Là. Il m'a dit, va te faire foutre avec les yeux, quoi. Non, je vais vous dire un truc. Le 1, je peux pas vous dire dans quoi est le 1, parce que si je vous dis dans quoi, vous avez la marque tout de suite. Okay. Ah, c'est un indice. C'est un petit indice. Le 2, c'est de la tech, c'est de la téléphonie mobile, je peux vous dire. C'est Apple. Et alors, ce n'est pas Apple. Et après, c'est que de la bouffe. Ah, wow, là, c'est ma France. Ça, c'est, ouais, là, c'est... ça me parle. Mais attends, est-ce que c'est quelque chose qu'on utilise au quotidien à fond, quoi? On l'utilisait au quotidien, mais oui. Utilisait. On l'utilisait au quotidien, ouais. Moins maintenant. Des gens l'utilisent toujours. Minitel. À titre personnel, je l'utilise. Non. Des gens plouc l'utilisent toujours. Ou pas plouc. Après qu'il a dit, je l'utilise. Ouais. Non, mais du coup, c'est une question tout à fait logique. Oui. Pas plouc. Il hésite. Sur le plouc, il hésite. Tu l'as un peu perdu. On se connaît pas assez pour que je sache exactement où est-ce que tu mets plouc. Mais non, je pense pas que ce soit plouc. Après, encore une fois, c'est au quotidien. Très bon mot, cela dit que j'utilise. Toujours avec plaisir. Ça marche bien, plouc. C'est même à l'oreille, il y a un truc de. Ouais, ouais. Et puis, tu sais, c'est universel, il n'y a pas de mépris de classe, c'est... tout le monde peut être un plouc, quoi. Ouais, ouais. Sarkozy, un plouc. Mais l'origine du mot plouc vient de Bretagne. Ah bon? Où on trouvait que les Bretons qui montaient à Paris étaient ploucs. Et c'est pour ça qu'il y a plein de villes en Plougastel, Ploumachin. Oh, quoi? Petite étymologie comme ça en passant, mais ça vient de. Même si t'inventes, c'est stylé. Alors je mens énormément, il faut vraiment le savoir. Là, c'est vrai. Moi, je te suis quoi qu'il. Si j'aime bien, c'est ok. Tu peux me fact-checker. Non, je te fais confiance. Mais j'aime bien cette DA là où on apprend des choses. Ah ouais, là, c'est fou. Franchement, ouais. Et j'ai l'impression qu'on apprend en s'amusant. C'est du dit. C'est quand même un pur délire. Avec une voix sensuelle. Avec une voix qui vous amène jusqu'au bout de la nuit. Marc Lavoine, là. Ouais, c'est vrai. Je suis féministe, je fais la vaisselle. Vous avez vu ça? C'est lui qui a dit ça? C'est lui qui a dit ça. C'est terrible. Je suis féministe, je fais la vaisselle. Parce qu'il est avec un mannequin aujourd'hui, du coup, il fait la vaisselle. Bah ouais. Pour Adriana Carambeu. Ouais. Qu'on embrasse d'ailleurs. Qui nous écoute, qu'une des plus grandes auditrices. Dans le télétruc Spotify en fin d'année. On est top. Mais non, mais c'est tout le truc. C'est que plus de 4. Elle a hacké Spotify juste pour qu'il n'y ait que nous, quoi. Alors, c'est une marque qui était partenaire des JO, je peux vous le dire, et qui a peut-être bénéficié pour ça. Une campagne un petit peu. C'est pas Samsung. Samsung est numéro 2. Ouh. Très bien joué. Attends, bravo. Samsung, c'est la deuxième marque préférée des Français. Oui, Adrien. J'y crois pas une seconde, malheureusement. Écoute, je suis désolé. Qui va dire moi, j'adore Samsung. N'importe quoi. Il y a une France sous Android, Adrien. Mais. Sors de ton petit nid là. Alors attends. Vas-y. C'est vraiment c'est le truc où hier on se posait la question parce que hier l'invité la radio, c'était le boss de l'IFOP, DG de l'IFOP. Okay. Et en fait, les sondages, en fait, on était en mode mais en fait à quel moment, genre là, tu vois, le gars qui a dit, c'est exactement ce que t'as dit, le gars qui a dit, oh, moi, top 2 Samsung. Mmh. Mais il, c'est sûr, il avait envie de dire, tu sais, les trucs de patates chaudes ou je sais pas quoi, mais tu peux pas dire ça à un gars qui toque chez toi pour poser des questions avec un calepin, des lunettes et qui dit, je vais noter toutes tes réponses, frère. Ouais, mais t'as envie de mentir et tout là. Tu dis ma marque préférée, bah, je sais pas. Ça veut dire. Les livres, c'est un. Non, c'est une marque. La liberté, en fait, c'est ça ma marque. C'est ça une marque. Ça, il faut que ça rentre en compte dans notre de recherche du numéro 1. Ah, tu veux dire qu'il se donne un style. C'est ça. C'est pour ça que j'ai tenté les éditions Hachette. Pas con en vrai. Ouais, ouais. Pas con. Donc, du peut-être... coup, une marque genre Montblanc. Non. Pas non. Les, attends, les stylos, hein. Je parle pas des crèmes dessert. Bien pas sûr. Des montagnes non plus. Non. Okay. Ça doit être. Je pense que c'est Louis Vuitton. Alors, moi, j'aurais dit ça direct. Il ouais. Y a pas de luxe, mais Adrien, tu parlais de Montblanc. On t'approches. Est sur Clairefontaine. Non. T'étais on est plus, sur un. T'es proche avec Montblanc. Bic. Oh. Ah, un peu plouk. La marque Bic. Bah parce qu'il faudrait voir. C'est pas si plouk. Non mais plouk. C'est pas plouk Bic. Ah merci. Pardon. Bah, non, si ça a été rendu plouk par Gillette. Ah. Non mais parce que Bic ils font les stylos et les rasoirs. Donc oui, ils jouent vrai. Sur deux plans. Oui. Mais après on n'est pas on sur deux genres. Des... Enfin, c'est marrant pour moi Gillette. C'est l'entrée de gamme quoi tu vois. Pour moi Gillette est plus plouk que Bic vois tu. Ah ouais. Ah ouais la perfection masculin c'est plouk en fait. Ouais ouais. En 10 ans. La perfection masculin chantée par Pierre Garnier donc au final c'est cool quand même. Pierre Garnier attends mais. C'est Pierre Garnier maintenant qui chante. C'est Pierre Garnier. C'est le mec qui a gagné la Starac. Ah, c'est lui qui fait le bah, jingle parce que moi il est tellement plouk. Bah, je regarde pas la télé donc est-ce que du coup je suis pas justement pas plouk. Ah je sais pas, je sais pas. Non, non, là, non. Si en plus t'en es j'essaie de retourner le truc, je suis un énorme plouk. Si en plus t'en es fier, tu deviens une autre catégorie, à savoir les trous ducs. Ah oui, mais ça d'accord. Ça d'accord. C'est une sous-catégorie du plouk. Ah, mais... ah, attends, Pierre Garnier, c'est le mec qui a gagné la Starac. Qui a gagné la Starac, mais genre. Et son débouché, c'est bah tu vas chanter la perfection masculin. Mais tu vois ça là. Et ben il le fait maintenant il le fait en Pierre Garnier un peu. Est-ce que c'est vrai si voilà, c'est vrai. Qui est-ce que c'est non, vrai non, ouais, c'est mais le. Moi, je suis droit, bien sûr. Ouais, et genre il le fait pas au masculin maintenant, il le fait au masculin. Ah, il fait des une vibe à la fin. Attends, c'était pas ma tessiture au départ. Il a fait un documentaire dessus pour comment il a bossé. Et ouais, ouais, comme et tous les youtubeurs. Mais frère, comment tu sais ça? Parce que ma meuf regarde la Starac. Ah. Et ma meuf regarde la Starac et genre je sais plus. Et c'est moi qui me suis retrouvé genre devant la télé à dire oh, mais c'est Pierre Garnier. Mais c'est il y a une grande mode en France du chanteur qui chante le nouveau slogan. Oui. Je crois que c'est Benabar qui faisait Flunch à un moment. Quoi? Mais pardon. Pardon, une seconde, hein. C'est Pierre Garnier qui chante, et pendant la pub, c'est Antoine. Marchand. Dupont Ligonnès. Léon Marchand. Léon Marchand. Antoine Marchand, ouais. Une sorte de rugbyman qui va très vite dans l'eau, là. Mais non, mais. C'est lui qui fait la pub, quoi. Oui. Donc, les gars, on est sur un maxi buzz. Hein. Je sais pas si ah ouais, il y a un. Ouais, putain, c'est ouais. Avengers pas pour moi. Du tout. C'est Avengers, ouais. Et Ati qui avait fait la pub pour Fructis. Ouais, bah ça, ça lui avait. Bien sûr. Mais à quel moment vous mentez? Parce que. Non. Fructis, c'est vrai, ça lui avait coûté pas mal de. Ok. Ouais. Pour employer un terme de plouc, de street cred. Non, mais oui. Il y avait une Corée et tout, et c'était genre Fructis. Il y a une France sur laquelle je suis pas du tout passé. Ah ouais. Bah, il doit être content que des gens ne l'aient pas vu cette pub. Oui. Mais oui, il y a une grande. Beaucoup de chanteurs ont fait des slogans, quoi. Bah, il y a quand même Johnny. Optique 2000. Optique 2000, ouais. Et Antoine Atoll, voilà. Ouais. C'est vrai, mais il chante pas. Il dit juste, il crie à Toll les autres. C'est vrai. Il est arrivé, ils ont fait. Donc tu chantes le truc, il a fait. Ah non, moi je chante pas pour ce prix-là, je hurle juste. Bon bah ok, vas-y. Ça va, à Toll, c'est bon. Ouais, bah gars, de toute façon. On a préféré. Donc Bic est numéro 1, Samsung est numéro 2. Après, c'est que de la bouffe. Il y a des gâteaux, il y a des pâtes. Panzani. Lui est 6ème, Panzani n'en fait pas partie. En revanche, il y a Barilla, 4ème. Ah, mais qu'on embrasse. Pareil, lui est 42. 3ème, une crème. Nivea. Non, alors une crème à manger. Oh, Danette. Pas Danette. Bonne maman. Oh. Pas Danette. Ah, bonne maman, c'est la confiture pour moi. Je peux. Ah, ça peut être. Oui, il y a de tout. Écoute, la mousse au chocolat. Ouais. Pour le coup, c'est Frigo Lifestyle, je dirais, bonne maman, c'est Frigo ouais, Lifestyle. Ouais. Numéro 5 des petits biscuits. Prince. Pas Prince. BN. Pas BN. Oh, mais Saint-Michel. Saint-Michel. J'aime pas la tournure qu'elle prend cette France, moi. Ouais. Non, mais là on sent qu'il y a un truc. Et tu vas voir, c'est ce que dit le sondage. Il y a un amour de la marque franco-française. Un repli identitaire. Ouais, un repli identitaire qui a eu lieu en 2024. Je sais pas si vous l'aviez senti d'ailleurs. Samsung en deux, ouais. C'est ça. Moi, pour moi, Samsung a payé pour être deux dans ce top. Qui dit Samsung en deux et après BN, quoi. Enfin, n'importe quoi. Septième la laitière. 8ème le chocolat Côte d'Or, 9ème Moulinex. Ah, bravo. Et dixième, Lint, bravo. Ouais, non, mais super, parce qu'ils étaient dixième il y a deux ans. Ouais. Belle remontada. La marque partenaire des JO, donc Bix, a sans doute bénéficié des effets très positifs de sa campagne de rentrée des classes réussie sur la durabilité. Écrivez plus, achetez moins. C'était le slogan de Bix cette année. C'est vrai que c'est éternel un stylo Bix quand même. Mais oui, oui mais c'est ça que moi... Je me dis, de toute façon, ils auraient acheté des stylos Bic, quoi. Bah enfin, oui. T'achètes quoi ? Il n'y a pas d'autres marques de stylos à Bic, quoi. C'est ça qu'ils ont réussi attention. À te faire croire. Ouais. Pour après, moi, ils ont le monopole. Leur banger, c'est le 4 couleurs. C'est vrai, ça... c'est vrai. Mais justement, tu vois, genre, quelle autre marque fait des 4 couleurs ? Personne. Mais moi. En gros, ils n'ont pas besoin de faire de la pub. Pour moi, c'est comme Apple. Mais ils devraient même pas avoir besoin. Ma gonzesse qui est prof, elle me dit que les petits, ils font des collectes de cartes couleurs. Ils font des collectes de quatre couleurs. Il y a des trafics couleurs. De avec couleurs. Des différentes, ah ouais. couleurs, différentes couleurs. Ah, parce que vert, c'est ça qu'ils en font maintenant, genre effet diamant, effet ça. Truc. Et ça, ça a été super. Quand je disais, c'était plutôt les Paper Mate. Tu sais, c'était les. Non, t'as pas connu ça. Il fallait être riche, fallait être riche. Malheureusement, j'étais pauvre. Merde. Attends, mais je viens de prendre conscience de plein de choses. Paper Mate, c'est la marque. C'est la. Pour moi, c'était une marque de stylo. Ouais. T'es sûr? Si. Je me permets. Non, non, mais c'est pas pour débunker. C'était pilote. J'en sais rien. Écoute, mais. C'est pas pour débunker. C'est pour mon. Tu fact. Tu peux débunker. Y a aucun problème. J'ai aucun ego. Franchement, tu peux y aller. Tu le laisses fact checker ce que tu dis. Oh là, aucun problème. En public. Autant. Franchement, je préfère. Je verrais toujours lui que des internautes. C'est la marque. C'est la marque Paper Mate. Allez hop. Tu peux t'excuser publiquement peut-être. Non, non, mais moi c'est pour lui que j'ai pas ça. Dit que c'était faux, je voulais juste, juste savoir. Ça mais fait beaucoup, t'arrives Paper chez le gars, tu dis qu'il ment, t'enlèves pas tes godasses. Ouais. Je m'en bats les couilles, j'ai plus rien à perdre. Alors, depuis quelques années, les marques patrimoniales françaises sont fortement plébiscitées par les consommateurs. On observe une nette corrélation entre la date de création des marques et leur niveau d'appréciation auprès du public français. Plus une marque est ancienne, plus elle sera qualifiée de qualité ou digne de confiance. C'est ce que dit Opinion. Ça, tu c'est... vois, j'aime. Ça, c'est raciste. Je sais pas comment dire. Je sais pas comment expliquer. En même temps. Est-ce que quand tu vois maison fondée en 2024, t'as envie d'y aller? Ouais, c'est... tu vois. Elle a raison, elle a raison. Ça dépend, pourquoi? C'est des médicaments, c'est pas... ouais. Ouais. C'est pas John Mulaney qui a une blague sur, dans un spectacle où il dit justement ce truc-là, la maison fondée en telle année, et il ouvre une truc de biscuit là, et il a écrit maison fondée en 1936, de confiance depuis 1948. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 12 ans? Mais oui, Opinion a demandé aux sondés de classer leurs marques préférées selon divers critères. Pour le critère du goût, ce sont les glaces Magnum qui arrivent en tête. Respect, oh. Respect. Voilà. Non. T'aurais mis devant quoi? Lindt et la laitière, pardon. J'aurais mis Ben & Jerry's. Oh, okay. Mais je trouve ça, je suis plutôt dans ta team aussi. Moi, ouais. J'aime bien Ben & Jerry's. Mais je trouve ça bizarre de dire ouais. Goût, mais ça mélange tous les types d'aliments, quoi. C'est ouais. Quoi le meilleur goût? Ça veut rien dire. Bah les Magnum c'est meilleur que la laitière. Bah ça, alors le reste va t'énerver quoi. D'autant plus. Mais et en même temps, enfin je sais pas ouais. Comment expliquer, mais cette compétition elle m'excite plus qu'une compétition de glace. Genre c'est ok toute la nourriture. Je comprends. Il y a un côté les premières saisons de l'UFC où il y avait un judoka contre un sumo. Je veux un Magnum dans une main, une brochette dans l'autre. Et dire, je préfère la brochette. Je préfère la brochette. Le poulet est mieux cuit. Ouais non mais je suis d'accord. En termes d'utilité, la marque CB, parce qu'en fait c'est une marque carte bancaire, CB, okay. Ah oui, okay. S'impose devant Colissimo, Mondial Relais ou Doctolib. C'est là où je vois que c'est faux. Personne ne cite des. C'est quoi votre marque préférée? CB. Ouais. Bah, c'était OCB. Non, mais... ouais, OCB, je pense qu'ils ont dû, bon, ils ont dû se tromper. Ouais. CB non. Qui va dire, oh, bah, j'adore cette marque moi. Moi toutes je pense mes, qu'on toutes propose. Mes cartes bleues sont des CB. Hein. Je pense qu'on propose aux gens, t'es comme un espèce de test avec les carrés, les ronds, oui. Les triangles. Et ils répondent le premier truc de la liste parce qu'ils en ont rien à foutre. Ils font, non, bah, c'est ça là. Laisse-moi. Comment le sondage, là, comment la question elle est posée? Bah, j'en sais rien. On veut la méthode, on veut la méthode. Mais moi, c'est ça qui m'intrigue à chaque fois qu'il y a des questions. Mais sur l'Insta du Floodcast, s'il y a des gens qui travaillent là-dedans, envoyez-nous comment ça fonctionne. Tu sais qu'on m'a dit, on m'a expliqué le journal de Mickey, parce qu'on avait fait le top. Ouais, ouais, non, mais pas comment ça marchait. La discussion okay. Entre quatre adultes, qui en arrive à ce point-là d'un coup, j'étais juste. Non, parlons PQR, parlons PQR. Non, mais parce qu'on avait fait le, on avait checké le top des personnalités préférées du journal de Mickey. Et Adrien, ce fact-checker né, disait. D'où un enfant cite Artus en troisième ou des trucs comme ça. Ouais. Tu vois, il dit normalement tes préférés, c'est enfin c'est pas ça quoi. Oui. Même pas des mecs qui existent. Hein? C'est même pas des mecs qui existent. Ouais. Peppa Pig, Bluey, enfin voilà, des délires comme ça. Non, ce que je veux dire, c'est que quand t'es enfant, tu t'en bats les couilles que le mec il ait fait un film à 12 millions d'entrées. Oui, oui, tu dis pas, bon, Artus, quel grand succès. Tu dis Léon Marchand parce que tu l'as vu tout l'été, et voilà quoi. Et non, mais il disait, le gars m'a dit, non, non, on demande aux gens selon des personnalités qui ont marqué l'année, etc. Il fait partie du complot, ce mec. Tu comprends pas. C'est littéralement Donald. C'est, il est quand même très proche de Mickey. C'est mon préféré, je peux pas. Bah ouais, moi, je pense c'est orienté aussi où la méthode est mauvaise. Ouais, ouais, c'est ouais. possible. Ouais. C'est possible. Tu es complotiste aussi. Ouais, ouais. ouais. ouais. Hey, je pense les dans un podcast, tu peux y aller. Hein. Je pense au bout de 4 enfants qui disent Léon Marchand, ils font t'es sûr, il y a Artus aussi. Hein. Et le gosse, il fait d'accord, ok, Artus. Mais en tout cas, remettre en question comme ça les sondages, etc. Et la véracité des sondages, la méthode et tout, c'est le discours du RN. Voilà. Toujours parce que les derniers sondages ils sont plus maintenant ça va les sondages c'est pas mal. Après je remets aussi le nombre de signatures de la pétition de Marine Le Pen hein, donc je remets ça en question aussi donc voilà. Oui, depuis une semaine t'arrêtais pas de me dire que tu croyais pas à la justice française aussi. Des élites là, je suis anti-système, je suis pas raciste, je suis anti-système, ça a rien à voir en fait. Mais non, continue, on va passer dans un live de Clément Viktorovitch. J'aime trop les intros qui disent qu'on met en danger la constitution là. Attends, je mets mes 14 chaînes autour du cou. Le classement de la fiabilité est de son côté composé de marques du secteur de l'industrie avec un top 3 dominé par Samsung, Bosch et Michelin. Tu vois, en fait, ils donnent des petits, voilà, des angles, tu vois, de qu'est-ce que vous préférez. Et enfin, le podium du classement de la proximité est occupé par Leclerc, Amazon et Decathlon devant La Poste ou Carrefour. Amazon. Bah, c'est proche, quoi. Ça va vite. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais je me rappelle être tombé sur un tweet d'un gars qui avait dit, il était 22h, il a tweeté, je viens de commander, je sais plus quoi, il est livré demain à 8h. Mais Jeff Bezos, qu'est-ce que tu fais? Laisse ce gars sortir de l'usine, quoi. Vraiment, frère. Bah, livré à 8h, mais qu'est-ce qui se passe dans ces entrepôts et tout? Ça fait flipper. Ouais, ouais. Vas-y, allons-y, Amazon, ok. Alors, je vais vous demander des marques réconfortantes pour vous dans plusieurs domaines. C'est ça que j'ai envie de savoir. Une marque de céréales. Est-ce que vous aimez? Ah, yeah, c'est bien, c'est orienté, c'est bien. La marque, ah oui. Non, bah... mais tu bosses bien. Ah, mais moi, tu bosses bien, mec. Je suis pas une institution d'homme, mon pote. Nadia, ta marque de céréales préférée. Est-ce que déjà t'étais team céréales ou plutôt autre chose? Enfant. Enfant, voilà. Préférée ou réconfortante, c'est pas pareil. Ok, t'as raison, tu mets les termes. Parce qu'il y a une notion de kiff dans préférée, et réconfortant, ça renvoie à l'enfance. D'accord, alors j'ai envie de dire préférée. Parce que réconfortant, ça, il peut y avoir un côté aussi, ça me fait du mal, mais oui, ça me réconforte, quoi. C'est mes choses préférées. Oui, oui, bah, c'est toute ton alimentation, si je peux me permettre. En témoigne, les deux bouteilles de Pepsi devant toi. C'est des canettes, t'as regardé le J'avais soudain. Mis canettes, pardon. Putain, je me disais, il l'a mis à droite finalement. Ça c'est pour plus tard. C'est celle de secours, tranquille. C'est génial, pour pas que j'aille me lever jusqu'au frigo. Moi, je dirais trésor. Oh. Les trésors. Donc gourmand. Ouais. Attention. Plutôt. Parce que le trésor est gourmand. Ça, c'est réconfortant. On est d'accord. Trésor. Non, non, c'est préféré. C'est préféré. Réconfortant, ça serait quoi du coup? J'ai envie d'aller où? Je pense que c'est les Choco Pops. Ah oui, bien sûr. Qui sont devenus les Coco Pops avant de revenir les Choco Pops. Petit rebranding. Attends, c'est ouais. Ah ouais. Ah ça, je savais pas que c'était revenu. Ils ont changé de blase 2-3 fois, ouais. C'est pas cool. Je me demande les mecs qui ont étudié, genre. On va passer de Choco Pops à Coco Pops. Attendez, à Coco Pops. Mais pourtant, c'est du chocolat, pourquoi Coco? Non. Moi, je me dis qu'il y a un gars qui est devenu millionnaire juste en enlevant un H et en le remettant après. Et il est millionnaire maintenant. Merwan, marque de céréales, un préféré. Ben en fait, moi, il y a un truc qui est venu instant. C'est. Je sais pas si on se rappelle des Cookies Crisp. Bien sûr. Et pour moi, les Cookies Crisp, je sais pas comment dire, mais j'étais très jeune. Mais je me rappelle que l'artiste en moi, il avait été touché en mode... purée, mais évidemment, le cookie et le lait. Comment on n'a pas fait des cookies qui entrent à plusieurs dans une cuillère? Bien comment sûr. On n'a pas pensé à ça avant, frère? Et c'est vraiment le petit déjeuner parfait, c'est céréales, cookies... Enfin, le petit déjeuner parfait selon moi, pas selon l'Observatoire de la Santé. mais vraiment, le cookie crisp, et mettez pas de lait demi-écrémé, on met vraiment du lait entier là-dedans. Ah, ouais, attention, là, il y a une take. On met du lait entier là-dedans, d'accord, très cookie bien. Crisp, et ouais. Mais moi, mon petit frère, c'est un nerd, mon petit frère. Ouais. Mon petit frère, il est en école de jeux vidéo et tout. Ah, trop bien. Et tout. Ouais, ouais, c'est un malade. Hein. Tout ce qui est nourriture, etc., il en a rien à péter. Il est déjà surpris. Il aura une grande carrière, je suis déjà. Non, j'ai déjà surpris en Chocapic. Un peu de lait, genre vraiment beaucoup de Chocapic, un peu de lait entier, et il rajoute dessus Nesquik, genre pour que le lait soit au chocolat. Pourquoi t'as ouais. corrélé ça avec être un nerd? Non, mais il en a rien à dire. J'appelle ça être un gourmand. Avoir la suite dans les idées. Comme ça, oui, c'est vrai. C'est juste un kiffer. En vrai, c'est un épicurien. Et ouais. Donc, voilà, moi, c'est ça. Mais je voulais aussi qu'on rende hommage à la recette de mon petit frère qui est lait Nesquik. Donc, ça fait lait au chocolat. Et en plus, on ajoute des céréales. Et là, vraiment, on est là, on se défonce la gueule. Bien sûr. Moi, tu parles à quelqu'un qui, avant d'être en couple, prenait des céréales le soir avant d'aller se coucher. Donc, genre de recette me régale au plus haut point. Tu sais, Choco Pops Pepsi là. Oh là là, le secret d'un petit déj, le petit déj des champions pour moi. Moi petit déj nocturne déjà. Ouais. Okay. Adrien m'a déjà surpris vraiment en train de faire ça, voilà tout simplement. Bah non, moi j'ai déjà raconté cette anecdote, mais un jour Je peux oh, raconter. Traîne-moi dans la boue avec plaisir. on devait aller. Alors, j'allais dire un mariage. On savait pas que c'était un mariage. Je pense que c'était un mariage surprise. Mais à l'époque, on devait aller à un dîner. Okay. Un anniversaire. Oui, c'est vrai. C'était un anniversaire. C'était midi quand un... même. C'était pas 17h. Non, c'était le matin. On partait le matin. Le matin. Ouais, okay. Et Flo me dit on va y aller juste avant. Je me suis commandé un petit déj. Et après, on y va. Et donc, je me dis oh là, le gourmet, il se commande des petits déj. Et là, il y a un livreur qui arrive avec un sac plastique, avec une boîte de Prince. Et il fait voilà, et Flo non, il a mangé. Et des céréales. Et. Ah si, si, il y a juste du lait, je crois. Ah, peut-être du lait. Une bouteille de lait et un paquet de Prince. Oh, wow. Et c'était ça son petit déj. Il a trempé les Prince dans le lait, il les a mangés. Et j'étais genre, mais c'est ça le petit déj que t'as commandé. Je me disais, tu sais, il va y avoir des. Déj continental, un peu chic. Des bêtes goji, un truc flocon d'avoine et tout. Non. Et après, vous êtes allé au lycée et tout. Après, j'ai recopié ses devoirs. Et après, voilà. Bac blanc, une anecdote d'adulte, on est d'accord. Sur une anecdote d'adulte. Non, ouais, c'était il y a un an. On a attendu la prof, elle avait dit une heure de retard. J'ai dit, si elle a 15 minutes de retard, on peut ne pas y aller, c'est dans les règlements. Enfin, voilà. Mais j'avais adoré. C'est, je te traîne pas dans la boue. Oh non, mais c'est tu un, sais, moi, un je, kiffeur. Moi j'adore. Moi, il y a des céréales que j'adorais quand j'étais petit qui n'existent plus. Et je sais pas ce qui se passait. Ça s'appelait les Wheatos. Je sais pas si vous vous souvenez des Wheatos. Oui. Et oui, les Wheatos, la mascotte était un savant fou, ce qui est un peu déjà bizarre. Multicolore là. Non, les céréales. Ah non, je crois pas. Ah attends. Ou la boîte. Non, moi c'était Wheatos Choco. Toi, tu c'était des petits ronds, des petits cercles. Exactement, ah, des petits ça. Cercles. Ah oui. Attendez, je vais mais vous montrer. Moi, je me suis toujours demandé s'il y avait un lien de parenté avec les Weetabix. Pareil. C'est la même famille. C'est juste le Weetos, c'est Choco. Et le oui. Weetabix, c'est un petit peu plus. C'est pas les spécial cas non plus, mais. Le man fait très peur. Il est ouais. Terrifiant, mais d'accord. Non, mais Weetabix, c'était les pires qui existaient, ouais, non ouais. C'était, on dirait, un truc presque diététique. Caché. Ouais. Qu'il faut humidifier soi-même en plus. En vrai, on dirait ce que je mange maintenant, c'est-à-dire des protéines de soja texturées. C'est ça, quand tu les mangeais, ils restaient pas croquants longtemps, les Weetos. Non, tout. Bah, les céréales, souvent, c'est dur de. Les Chocapic. Chocapic, ça tient. Chocapic, ça tient la route. Ouais. Chocapic. Après, moi, je déteste pas quand ça devient très mou. Attention, j'aime bien que ce soit croquant. Moi, j'aime un entre deux, sinon ça fait mal aux dents. Mais ça. Je passe pas un bon moment. Surtout les Chocapic qui sont un peu pointus et tu te dis, ah, peut-être ça va me piquer la gencive et tout. Je crois que c'est la phrase de plus gros baiser que j'ai entendu de ma vie. Ouais, non, mais attention. Mais c'est ce qu'on m'a dit de lui, moi. Attention, Adrien, marque de céréales préférée. Moi je. Non, en vrai, je pense que Golden Grahams. Oh, oui, pardon, oui. Parce moi, fan de basket depuis l'enfance, et Golden Grahams c'était marketé à l'époque, genre les céréales basket, quoi. Ils avaient trouvé une brèche, il n'y avait aucun rapport, évidemment, quoi. Alors que le tigre de Frosties est littéralement pour moi un basketteur. C'est vrai qu'il faisait il dunkait énormément. Ouais, mais là, je sais pas, je pense qu'il devait peut-être faire un partenariat avec la NBA, peut-être, okay, je sais pas ou pas. Et du coup, moi, j'étais gosse, j'ai dit, ok, bah, Golden Grahams. Et il s'avère que c'était quand même. Bon, c'est bon. Ouais, c'est bon. Pareil, ça devenait mou très vite, hein, quand même. Hein. Hein ça devenait mou très vite, hein, les gars. Ouais, mais tu sais, moi, c'est, j'ai peur de me blesser. Bah, aussi. Non, et du coup, j'en ai remangé des années plus tard en tant qu'adulte, et il y avait la Madeleine de Proust. C'était ça, quoi, le côté réconfortant de. Mm. Hey, les... putain, j'avais oublié le nom. Waouh, c'est dire que si je suis vieux. Mais Golden Grahams, vraiment le truc de. C'est réconfortant du coup. Et peut-être le préféré aussi parce que j'en ai pas mangé 12 000. Quoi. Ils avaient un peu effectivement cette DA parce que t'es plus un enfant quoi. Moi je me souviens que Golden Grahams, quand je suis arrivé au collège, je me suis dit, faut que je mange ça parce qu'il n'y a pas d'animaux sur la. Il n'y a pas de labyrinthe au dos. Il n'y a pas de chocolat. Ouais, il n'y a pas de chocolat. Et puis elles infusaient dans le lait. Elle lui donnait un goût au lait. Un peu caramel. Il y avait un mec avec un schlass sur la. Mais c'est Raldi de sel en fait. Il te demandait, t'étais un mec doux. Répondons bien là. Un livreur américain a obtenu un dédommagement de la part d'une marque qui a dû le dédommager à hauteur de $50 millions. C'est Samsung la marque? Non, ou alors une marque que les gens aiment encore plus. De dommage et intérêt à la victime, à votre avis? Quelle marque et que s'est-il passé pour qu'elle puisse toucher ces $50 millions? Je veux que ça m'arrive déjà. Ouais. J'aimerais bien. Alors attends. C'est un livreur. T'es folle d'argent, tu me disais. J'adore antenne. Le pognon. Respect. Non, mais ouais, moi, pareil. J'adore c'est ça. Un livreur qui s'est fait rembourser. Exactement. Attends. Le livreur, il s'est fait rembourser par une marque? Ouais. Attends, c'est un livreur genre comme un livreur Amazon? Non. Plutôt comme un livreur Deliveroo, Uber Eats, trucs comme ça. Il s'est brûlé avec une soupe? Ah, alors, avec des céréales qui n'étaient pas assez ramollies, qui l'ont blessé. Alors, il s'est brûlé. Oh. Avec quoi? Un une plat soupe. Le pot d'échappement de son véhicule. Non. Ok. Est-ce que c'est avec de la bouffe? Pardon. Non, c'est un peu loin parce que c'est plus par rapport effectivement à de la. Pas de la bouffe, mais du coup. C'est sûr, c'est pas McDo, j'arrive toujours froid. Ouais, c'est pas McDo. McDo, encore une marque où tu dis, mais arrêtez de faire de la pub, là, c'est bon, on a compris, vous êtes. Non, non, ils veulent rester dans le. Ah ouais, là, ils veulent pas être doublés. Mais cela dit, pendant un moment, ils faisaient des pubs McDo où il y avait pas la marque. Oui, il y avait juste burger un en burger plan. En énorme. C'est vrai, c'est vrai. Bah, ouais. Mais après, t'es McDo, là, en France, en Île-de-France, avec le nombre de fast-food délicieux qui existent et tout, t'es obligé d'être là en permanence. Mais je crois qu'ils ont changé un peu leur fusil d'épaule, parce que là, j'ai vu un article, je lis des articles. Ils veulent que ce soit les nouveaux PMU, en fait, les McDo. C'est-à-dire qu'ils sont, ils veulent un PMU, un McDo à au max 20 minutes de n'importe quel français. Ah ok, j'ai cru qu'on pouvait parier sur des trucs et les gosses qui viennent. Ah, c'est 1000 et le 4. Sur quelle terrible maladie t'auras si tu continues à manger là-bas, tu peux parier là-dessus. Mais ouais, ils veulent se multiplier absolument partout. Et dans les petits villages, maintenant c'est les déjà, endroits où, ouais. Où se retrouvent les petits vieux et tout. Ils prennent le café au McDo. Les vieux, quoi. Les vieux, ils... Ah ouais. Oui, parce qu'il n'y a pas de café, il y a un McDo. Donc ils se retrouvent au McDo, ils se prennent un petit café. J'ai bossé au McDo, il y a des petits vieux qui viennent tôt le matin. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ah putain, t'as bossé au McDo. Ouais. Des belles années? Non. Ouais. Ah. Tu étais comment on dit équipe J'écris, j'étais équipier polyvalent, ouais. Mmh. Ouais, polyvalent, wow. Je sais pas ce que ça veut dire. Et du coup, c'est un terme compliqué. En cuisine et en fait, faut le dire, j'étais très lent en cuisine, genre je bousillais vraiment les scores du resto et tout. Donc ça m'a mis devant. Mais devant, pareil. Et du coup, tu t'appelles les gens, je disais, c'est fast food. Ah, j'allais le dire. Non, mais c'est juste, je discutais quoi. Là, t'as pris ça, ouais, c'est pas mal, ouais, machin et tout. T'es à la fac à côté et tout. Moi, j'étais en restaurateur. Genre, et je suis un petit vieux. Et après, ils m'ont mis. En fait, ils se sont dit, lui, faut qu'on le mette aux frites quoi. Okay. Et en fait, c'est pire idée parce que le gars est lent. Il peut être lent sur une commande, la frite, je ralentissais l'intégralité des commandes. Et du coup, au final, on a trouvé un accord où ils m'ont dit tu nettoies le restaurant. J'ai dit ok, mais juste ça vous va si je fais pas les toilettes. Et ils m'ont dit ok. Et juste, je marchais dans le McDo et je ramassais les plateaux là. Sympa. J'étais bien, hein, j'ai fait un an et demi, j'ai payé ma première voiture avec. Ouais. Et après, je me suis rendu compte là-bas que oh là là, trop envie de faire du stand-up. Hein. Ouais. Et donc c'était avant ou après les services à table? Non, c'était. Non, c'était avant. Avant. Ouais, j'ai pas eu ça moi. Oh, parce non, que non, ouais, maintenant il y a ça en plus quoi. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà pas assez de choses à faire les gars qui bossent au McDo. Ah, ils viennent te servir ça. Ils te servir. Moi je déteste. Pour moi ils ont gâché le McDo en faisant ça. Oui. Moi je déteste ça. Jeter le sandwich dans la gueule. C'était bien. La belle époque. Pire client que tu peux avoir. Quel genre de client chiant que tu peux avoir au McDo? Ah, il y a un mec un jour qui a pété les plombs. Il voulait. En fait, nous on n'a pas le droit de vendre. Yes, let's go. Non, en gros t'as pas le droit de vendre de bière à emporter au McDo ou sur place, je sais plus, il y a une règle comme ça quoi, et le gars avait clairement un problème et c'était ça, c'était pas moi qui le servais, moi j'étais en train de nettoyer les plateaux quoi. Et le gars pétait un plomb sur ça quoi, il avait pété un plomb en mode non, je veux ma bière, et moi, non on peut pas. Vous avez pris sa voix pour essayer de créer une colonie. C'était Elie Moon apparemment. Non, mais c'est Kelly, arrête de tester tes sketchs. Tout va bien. Je vais vous faire Kevina. Donc la marque en elle-même, laquelle est-elle? Parce que pensez à, il s'est brûlé. Donc quelle marque? Une marque de feu. Bah Bic encore, ils font des briquets. Ouais, mais attends. Parce que tu dis c'est un livreur plutôt t'as dit pas Amazon mais plutôt genre Deliveroo. Non, c'est ça, c'est un livreur Deliveroo. Ah, Chicha. Non mais attends. Pas Charbon. Non, pas Charbon. T'as dit pas Amazon, plutôt Deliveroo. De clichés, donc de la bouffe. OK, donc une offre de bouffe on cherche. Bouffe. Non, parce que il y a de la bouffe mais pas que. Mais non, mais bouffe et boisson, voilà, bouffe et boisson. Et c'est pas boisson chaude avec du café. Café. Avec du café. Avec du café. En tant que Young Barista, je peux le dire. Avec du café. C'est ton nom de rappeur, ouais. Young Barista. Ouais. Pareil, il est réel Instagram là. Mais ok, marque de café. Marque de café. C'est brûlé en amont. Starbucks. Il a mis un accent. Alors, j'ai mis un effectivement, le Starbucks, la personne du Starbucks, tu as renversé le gobelet dessus. Au moment de lui donner. Ouais. Et là, attention, l'accident s'est produit le 8 février. Ah, mais donc, il s'est pas fait rembourser, il a eu des dommages et intérêts. Oui, c'est oui ça. D'accord, ok. Ça fait très cher le café sinon. Oui, parce que sinon, il dit hey, vous me donnez 1,50€, j'en ai rien à foutre. Les gars, c'est un procès, t'as pas compris. Un accident qui s'est produit le 8 février 2020. Ce jour-là, le livreur venait récupérer des boissons au drive d'un des Starbucks de Los Angeles. Wow. Il y a une vidéo qui a été relayée, donc on voit que l'employé place 3 gobelets sur un plateau et lui tend. Et lui qui se trouvait au volant de sa voiture, c'est alors que une des boissons est tombée sur lui, quelque chose qui arrive souvent. J'ai besoin de voir la vidéo parce que c'est le moment de bascule qui va être important. C'est exactement. Est-ce que c'est quand tu récupères? Est-ce que c'est. Oui, ouais, bah là en l'occurrence, les juges ont tranché. Je veux savoir combien il a touché. Bah 50 millions oui, c'est de ça. Dollars, c'est ce que je l'ai dit. Attends, quoi ? 50 millions de dollars. Et le oui, gars, il a dû voir au ralenti le café tomber, il s'est dit trop bien. Il a dit c'est le plus beau jour de ma vie. Quoi. Alors, j'adore l'Amérique. Selon l'expertise, la victime a subi de graves brûlures, une défiguration et des lésions nerveuses débilitantes. Ah oui, au niveau de ses parties génitales. Non, au niveau de ses parties génitales. Non, mais ouais. non. Et oui, comme le café, c'est pas de la lave. Il était reproché à Starbucks d'avoir manqué à son devoir de diligence en ne fermant pas le couvercle. Ah. Et c'est là où ils ont merdé. Aïe aïe aïe. Ouais. Erreur bête. Tu sais qu'ils me l'ont fait ça moi une fois. Hein. Ah ouais. Ouais ben moi j'avais pris un truc de bouffon, un ice latte, je sais pas quoi là, avec j'étais avec Farid et ils m'ont mal fermé. Et quand j'ai bu, ça s'est renversé sur moi, mais genre total. La honte. Je suis monté sur scène en. ouais, et juste Farid a trouvé ça ultra drôle. Alors que lui, vas-y, viens, renverse un café sur un de ses vêtements, on va bien rire. Mais S'il avait été chaud et pas ice latte, t'aurais été mais tellement dédommagé. Oui, c'est ça, ouais, un iced Farid, de Farid serait pas foutu de ta gueule, t'inquiète pas. Cet accident a fortement impacté la vie du livreur, douleur physique, angoisse mentale, perte de jouissance de la vie, humiliation, désagrément, chagrin. Mais ça c'est juste ma vie. Alors qu'on m'a rien renversé. Limite si on te jette un café à la gueule, tu fais ah bah un petit peu de vie. Ah je me sens vivant là. Merci. Je crois qu'il a besoin de ressentir des choses. Je dois payer Starbucks du coup. Mais oui il a dit ça l'avocat. Il a dit je sens comme le mec du Floodcast. Il a dit ça pour Mais bon c'est 50 millions. Bien qu'elle ait déclaré compatir avec la victime, la chaîne de café a annoncé son intention de faire appel quand même sur ces 50 millions. Oui mais attends, c'était en 2020 donc c'est. Oui mais là ça a été rendu tu sais c'est le verdict en 2025. Maintenant là. Ah ouais c'est la justice française. Waouh c'est assez lent. Je comprends que ce soit pas en haut de la pile non plus. Nous contestons la décision du jury qui nous a attribué une responsabilité dans cet incident et estimons que les dommages d'intérêt accordés sont excessifs. Se permet Starbucks. 50 millions, ouais. Je connais le prix d'une compresse stérile, franchement. T'as le pauvre. Vous êtes des gens maladroits dans la vie? Est-ce que vous. Non. Non, toi, t'es adroit? Bah en fait moi je suis l'inverse, c'est que moi je suis genre plus hyper vigilant, je fais trop, j'ai trop précautionneux. Oui voilà, ouais. Mais du coup trop. Ouais. Je suis dans l'extrême inverse, c'est-à-dire que ça me limite c'est trop quoi, tu vois, genre vis ta vie un peu quoi. Mais donc du coup je suis très peu maladroit quoi. J'attendais le moment où la larme coulait quoi, vraiment vis ta vie, j'ai attendu un petit truc quoi, rien eu. Non mais au contraire non, je suis pas maladroit du tout. Toi Nadia? Ah ça arrive. Je l'étais. Ah ouais? Ouais, je l'ai. Comment on guérit? Tu as tombé 3 fois chez moi. Ah. Donc je suis très maladroite. Phrase de vieux. Voilà. T'as le petit bip là? Oui. Du coup, j'ai une Apple Watch au cas où je tombe toute seule chez moi. Quand viennent me chercher. Mais tu sais que c'est le vrai truc de Apple Watch. Ils ont redesigné leur. Enfin, pas redesigné, mais rebrandé leur promo. Sur ça. C'est-à-dire qu'avant c'est Apple Watch, tu peux te quand tu cours et tout. Et après il y avait une pub d'un accident de bagnole et un mec bloqué et grâce à l'Apple Watch il survit. Mais ça sauve des gens pour de vrai. Ouais, je crois. Ouais. Mais c'est vraiment un simulateur d'EHPAD, les Apple Watch. Parce que t'es chez toi, ils disent levez-vous. Et tu te lèves et ils disent mission accomplie. C'est horrible quoi. T'as vraiment l'impression d'avoir 80 ans. J'ai supprimé. Ah, t'as supprimé? Oui, j'ai supprimé. Moi, il y a une meuf au premier rang un jour qui avait le truc levez-vous devant moi là. Non, tu me donnes et pas des ordres en fait, j'ai supprimé. Attends, elle s'est levée du coup? Non, mais ah je bon. La voyais genre vraiment. Je vais décourdir les jambes là. Comme ça là, genre arrête toi là. Moi, ça m'a rendu débilo sur quand je trouve pas mon téléphone. Peut-être tu peux le faire sonner avec parce que tu sais pas où il est. Ouais. Et du coup maintenant je ne prends même plus la peine de me demander où il est. C'est-à-dire que si j'ai pas le portable. Et donc des fois vraiment il est là quoi. Tu vois, il est vraiment juste à côté de moi. Ça rend ouf ma meuf. Genre le bruit là, le ça elle en peut plus. C'est à elle de s'adapter à l'Apple Watch. C'est pas l'Apple Watch. Je lui dis de toute façon c'est l'Apple Watch ou toi. Donc prends pas ce risque franchement. Toi Merwan, t'es quelqu'un de maladroit ou non? Je suis pas quelqu'un de maladroit, mais moi ouais je suis comme elle là, je suis pas mal tombé là ces derniers mois là. Genre il y a du monoxyde de carbone chez vous? Non, chez vous qui? Chez vous les Arabes? Ah, ouais. Tu t'es fait avoir mon pote. Voilà. Mais non, mais franchement je pensais que ce serait moi. Vous enlevez vos chaussures et après glissez. Moi aussi je pensais que ce serait toi. Ouais, je vais être honnête, je pensais que ce serait moi. Non, j'ai glissé en moto un truc pas trop grave et tout. Et mais chez toi par contre. Non, comme un con. Et après je suis tombé, genre j'ai eu plusieurs trucs. Je me suis fait une entorse du genou, ok. Entorse du genou, donc chiant et tout machin. Et un jour où je suis en entorse debout chez moi, j'ai le nerf sciatique là, il passe derrière le genou. Oui. Okay, ouais. Et mon nerf sciatique apparemment il touche un muscle qui s'était réveillé là. La douleur de ma vie, ok. Donc j'ai commencé à guérir. Mon genou fait genre un coup de pied tout seul quoi. Wow. Et je tombe par terre. Okay. Attends, ton genou il fait quoi? Enfin, en gros comme ça touche le nerf sciatique, pardon, mon genou. Je rigole, mais le coup de pied tout seul. Non mais gros, dis-toi, j'ai 30 ans depuis moins d'un an là. Ah, parce que moi j'imagine vraiment un coup de pied retourné de Jean-Claude Van Damme quoi. Genre, imagine-moi devant le lave-vaisselle. Et genre vraiment coup de jus, quoi, c'est ça le ressenti, ouais. quoi. Et c'est coup de jus, mais en gros, mais ma jambe, elle s'est pas dépliée depuis longtemps vu que j'ai eu une entorse, ouais. quoi. Et vraiment, paf, elle se tend d'un coup, c'est coup de pied dans le vide. C'est comme quand on teste tes réflexes. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Mais genre, mais ça se déplie au maximum, quoi. Ouais. Je tombe par terre et tout, machin. Donc ça reprend un peu, ça me refait mal et tout, ça redescend et tout pendant 3-4 semaines, gros. Et au bout de 3-4 semaines, je suis chez moi. J'étais en train de prier, ok. Donc je sais plus, c'est la prière, machin et tout. Et ça toque, ok. Enfin, j'entends un bruit de clé. Et pendant la prière, je panique. Donc juste, je fais deux pas en avant, je regarde la porte de chez moi, ok, y a personne. Et je refais deux pas en arrière, y a personne chez moi. Y a personne chez moi, mais il y a eu un meuble. Il y a eu un meuble derrière moi, genre un petit bout de canapé, genre. Ouais. Et je me prends le bout de canapé. Gros, je suis tombé à une vitesse. Genre vraiment, tu sais, tu clignes des yeux, t'es par terre. Genre vraiment. Et mais genre, je me prends. Un malaise. Ouais. Le bout de canapé en prière, en plus. Injustice totale. Genre vraiment. Mais t'as interrompu ta prière, ouais, désolé, ça se fait pas. C'est vrai, pas quoi. Genre, fini. Je me prends le bout de canapé dans le dos, j'ai des bleus et tout. J'ai besoin d'une reconstruction. Genre vraiment, là pour ceux qui, je le fais avec mes doigts sur la table, genre comme les gars qui font du mini skateboard là, mais genre vraiment comme ça quoi. Et genre, je pense mes pieds ils sont allés au-dessus, genre vraiment. Ben, ah oui, t'avais un vrai vol plané. Ah quoi, oui, ouais, je ouais. me suis éclaté, c'est un truc genre. De dessin animé, mais vraiment, éclaté. Est-ce que ça fait Donc ouais, pas maladroit à la base, mais entrée dans la trentaine, catastrophique. Ouais, vraiment maladroite pour le coup. Ouais, je découvre la trentaine là, ça pue sa grand-mère, mais on va y aller ensemble. Hein. Ah ouais, ça va mal. Question mode. Eh oui. Tu m'étonnes. Je me permets. Quelle nouvelle tendance est en train d'émerger sur TikTok? Alors, j'ai vu un truc moi. Ah. Non, ah. De fringues. Oh bah vas-y, okay. Non, mais attends. Non, parce que j'ai vu qu'il y avait la trend skinny TikTok. Alors, où c'est quoi, genre être le plus. Enfin, la plus maigre, parce que c'est surtout ouais. les meufs. J'ai perdu. Genre un truc de. regardez, je suis trop maigre, c'est stylé quoi. Ah ouais. Alors, non, là, c'est vraiment un truc plutôt okay. de fringues. De fringues. Attends, est-ce que c'est l'usage détourné d'un vêtement? Oh, très belle question. Très belle question. Alors, en tout cas, il y a une utilisation quasi ironique. Voilà, donc c'est pas détourné, genre on a pas mis un jean sur les épaules okay. ou des trucs Est-ce comme que ça. C'est comme les gens qui disent j'ai acheté des baskets Lidl? C'est à ce niveau d'énervant. Ok, d'accord. Ouais. Okay. On est à ce niveau d'énervant. Ça touche plus les femmes que les hommes? J'ai l'impression que c'est surtout les femmes, mais honnêtement, c'est pas ça qui va te okay. donner un indice. C'est non genré. Est-ce que c'est porter une marque de façon ironique? Pas une marque, mais c'est de poster. Un style de. Ouais, un style ironique. C'est des fringues de façon Donc ironique. C'est un type de vêtement. Un type de ouais, enfin l'oversize. Un type de look, pas l'oversize. C'est pas un vêtement. Oh, voilà, c'est pas un truc genre l'oversize ou le non, slim. Mais moi, j'allais dire genre c'est le bob par exemple, tu vois, ou un truc comme Pourquoi ça. Tu dis ça. Non, mais un bob depuis une semaine. non, mais le bob, tu vois, il y a une époque où le bob c'était pour les joueurs de pétanque de 50 ans. Et après c'est devenu stylé parce qu'il y a des gens qui ont commencé à le mettre un peu de façon ironique. Et après c'est devenu un vrai accessoire de mode. Donc. Alors c'est pas un vêtement précis. C'est plus par exemple il y a je sais pas le look de le gothique par exemple ou le skater et ben là il y en a un autre qui est en train de refaire de okay. cartonner donc c'est un look quoi un look voilà c'est pas le rappeur c'est pas le rappeur pas le rappeur non ok le rappeur des années 90 et donc c'est ironique comme trend et qui avait disparu et qui revient ouais, bah en fait qui a jamais été à la mode. Waouh! Wow. Mais oui, ouais. mais ça existait quand même! Ah oui, ça existait! Mais attends! C'est le nerd, quoi? C'est ça, non? Très bonne c'est réponse! Ça. Mais wow. c'est le nerd! C'est s'habiller en nerd là! Le loser core! Waouh! Wow. Wow. Et c'est là où je signe ma grande entrée dans le monde de la mode. Non, mais mode. Là, oui, pardon! Mais gars, t'es l'égérie de. Là, le nouveau visage! J'ai remis mes lunettes pour ça, tu vois! C'est quoi le loser? Non, mais. T'as inventé cette j'ai inventé, news. J'ai inventé, je veux juste qu'on dise que. C'est hyper à la mode en fait, non, Florent. D'où il y a Seb Lafrit et Squeezie à la Fashion Week et pas moi, non. Florent, merde. C'est écrit sur un post-it, c'est pas du tout un article. Ah, regarde, c'est sur internet là, regarde. C'est le notepad. Le Loser Core possède. Plusieurs TikTokers font des tutoriels pour adopter la tendance du Loser Core, selon les clichés repérés à la télévision et les sitcoms du nerd, du geek. En Par vrai, exemple, on pourra. Vas-y. Un peu le polo de Merwan. Alors. Alors. Wow. Non, mais on peut observer une petite minute, voilà, autour de ce qui vient de se passer. Attends, on fera cette vie après les gens. Je m'y attendais tellement pas. Moi, je c'est dur quand on s'attend pas. Non, mais parce que moi, c'est ça ma force. Toi et les vêtements, il y a quand même un truc. Ça fait pas. Qu'ils soient islamiques ou pas. Ça fait jamais l'effet escompté, mais moi, j'ai ses vêtements. Il a qu'est-ce qu'il a, mon polo là? J'ai une épiphanie, genre. Non, mais c'était si surprenant. Je suis que bienveillance. Je ne suis que bienveillance. Non, c'est. Écoute, j'ai acheté à Montréal et c'est une non, marque c'est chic, de rugby. C'est une marque de rugby, je crois. C'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire, tu t'es dit, ça fait rugbyman. Et comme le coréen, et c'était toi. Mais oh là là, je l'enlève. Non, ça te va très bien. Moi, je trouve ça très bien. Mais en tout cas, pour le loser core, on pourra trouver par exemple une chemise à carreaux ouverte. Par-dessus un t-shirt manga ou un t-shirt geek de Star Wars ou de Batman, par exemple. Non, mais. Mais oui, bah j'adorerais que d'un coup il envoie un, ou un polo de rugby oversize. Avec une tête de con, il va à fond là. Un jean oversize délavé, un sac à bandoulière avec des pins. Il a pas dit un jean oversize délavé. Si, c'est ça, un jean oversize délavé. J'ai envie de me foutre en l'air. Un sac à bandoulière avec des pins. Alors là, c'est peut-être plus Adrien pour le coup. T'as peut-être plus ton non, truc. Attends, bah, qu'est-ce qui se passe là en fait. Un sac à bandoulière, ça t'arrive? Plus trop. Mais... ouais, t'es plus dans le loser core. Hein, non, mais j'ai un pins sur mon sac à bandoulière. Ça va, c'est bon. Pour et c'est pas du tout un pins de geek. Ah oui, c'est vrai. Mais évidemment, il n'y a pas de règle pour adopter cette esthétique puisqu'il s'agit surtout de combiner des pièces qu'on aime et de les mélanger pour créer son propre univers. Mais c'est. C'est juste être habillé comme Avril Lavigne en fait. Ouais, oui, c'est vrai. Peu importe si le t-shirt jaune ne matche pas avec la surchemise rayée rouge et l'écharpe Naruto, ça se rapproche près de la tendance du layering. Je sais pas si vous connaissez, oui, oui, oui. Qui consiste à accorder des pièces indépendamment de leur couleur ou matière. Mais... c'est non, mais dire la tendance de mettre plusieurs vêtements quoi. Enfin, c'est vraiment dire non, mais la tendance du layering. Non, c'est non, un peu ça, c'est genre tu mets des couleurs qui vont pas ensemble. Ça, moi je connaissais pas. Non, layering, c'est juste mettre pas quoi. Des plusieurs couleurs. Juste qu'on puisse mettre des vêtements qui ne vont pas ensemble. Ah. Pour moi, c'est genre, bon, il y a un t-shirt et un jean quoi. Enfin, tu vois, moi je suis pas du tout dans la sape. Ah ouais? Ah. Wow. Tu fais cette méthode du collège à savoir boulier pire que toi pour qu'on arrête de te boulier. Je la connais très bien, je l'ai pratiqué, monsieur Arwan. Il va falloir que tu me boulies moi et je boulie Nadia et après la boucle est bouclée. On va finir ce cercle de bienveillance. Moi par exemple, pour te dire, mais je choisis mes fringues selon les machines que je dois faire. Par exemple, là, tu vois, j'ai du blanc. Toute cette semaine, j'ai que du blanc. Parce que je vais faire une machine de blanc à la c'était fin de la blanc semaine. À une époque quoi. Wow. Wow. C'est un peu délavé, mais c'est lui, la mode. Donc non il rentre chez toi sans enlever ses chaussures, il sert dans le frigo et après il chie sur tes machines. Quoi. C'est vraiment grave. Il pisse sans tirer la chasse. Non, vraiment, c'est compliqué mon rapport. Sans fermer la porte. C'est la vérité. Ça, c'est okay. Mais c'est la vérité. Il aime me prévenir. C'est quoi votre fréquence d'achat de sap hein? Parce que déjà, vous êtes sap. Je savais pas que vous alliez avoir cette interaction avant. Ouais. Nadia, j'avais préparé la question avant. Non, toi Nadia, est-ce que t'es sap par exemple? Est-ce que t'aimes bien acheter de la sap? J'essaye de moins en moins consommer de sap. Bien de, sûr. Surtout pas de fast fashion, j'essaye de. Clairement. Mais des petites belles pièces de temps en temps. Ah, j'aime tu peux le pognon. Pièces. Tu peux j'aime mettre le pognon et le luxe, évidemment. Donc oui, ça peut. Ouais, tu peux craquer sur de la marque. Oui. D'accord. Adrien? Moi, c'est assez. Je t'ai connu souvent... amoureux de la sap. Je t'ai connu amoureux non, mais de la sap. Non, je le suis. Ah, je le dis. Non, mais pas mal. J'essaye. Il y a une époque où j'étais beaucoup sur justement. Enfin, fast fashion, non, mais peut-être les gros sites et tout. Je suis plus maintenant Vinted. Ouais. Donc, oui, peu t'as été pas Zalando, mais cette marque là qui. Zalando, ouais. T'as été l'homme Uniqlo, peut-être. Non, non, mais ah, ça, c'est. Uniqlo, c'est un petit peu ma. Ah ouais. Ouais, ma... Non, mais c'est ma faiblesse. Ma faiblesse, ouais. Parce qu'il y a même avant. Pourtant, l'écologie existait déjà. Il y avait ce site où tu pouvais commander et ça ne va pas. Tu fais, oh, je renvoie. Oui, bah Zalando. Zalando ou les sites marchands. Ah oui. Oui, je crois. Est-ce que t'as gardé combien de vêtements? Vous êtes en train de me dire qu'il y a d'autres magasins que H&M. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Oui, toi pareil, tu t'es un peu calmé en rapport à l'écologie, tout ça. Ouais, ça va. Je suis pas parfait, j'ai mes failles, mais voilà. Non, mais des petits trucs vintage, un peu sur vintage, c'est cool quoi. J'aime ouais, bien, moi j'ai voilà. Eu un an de boutique vintage. Parce qu'à Paris, beaucoup il y a eu de casquettes, de... moi, beaucoup ouais, de casquettes. T'es fou de casquettes, toi. Bah, je suis chauve en fait. Du coup, ouais, les j'arrive. Non, mais à une époque, bah, toujours, hein, mais il y a eu une explosion à Paris, j'ai l'impression, des, dans toutes les grandes villes d'ailleurs, de magasins vintage. Mm. Très cher. Ça, oui, moi, j'ai ça été fait. Un peu addict à ça à un moment. Genre, oh là, cette vieille chemise des années 90 et tout. Bah, Killy Watch. Ouais, voilà, des trucs Killy comme Watch, ça. Killy Watch, j'y étais il y a pas si longtemps. Ça m'excite quand ils ont des t-shirts, tu sais, à thème de vrais trucs de l'époque. Genre là, j'étais à Bruxelles, il y en avait un, il avait plein de t-shirts Star Wars, de genre la marque Star Wars, quoi. Ouais, de ouais. L'époque où ils faisaient la promo des films et tout. Mmh. Oui, et oui. Ça coûtait si cher, mais j'en voulais trop. Je l'ai pas acheté et tout parce que. En moi, il y a toujours le rebut du 93 qui dit lui, il croit qu'il va me baiser. mais ouais, mais c'était genre 100 balles, des t-shirts XXL avec Anakin et Dark Vador derrière. J'étais trop chaud, frère. J'étais trop chaud, mais je l'ai pas fait. Mais ça, c'est ça qui m'excite dans les boutiques vintage. Mais moi, c'était mon grand combat à une époque parce qu'on s'est beaucoup foutu de ma gueule. Et aujourd'hui, heureusement, ça à s'arrêter. Bah non. Sur les t-shirts à thème avec les films et les trucs. Et je fais, on s'est pas foutu de ta gueule, mais c'est marrant que ce soit ton style. Film, on sait. T-shirt promotionnel, je crois que c'est ça qu'on dirait. Ouais, ouais, c'est ça, des t-shirts promotionnels. Voilà, j'aime bien. Mais du merch, quoi. Enfin, c'est. Oui, c'est ça, mais pas forcément. Du fois, c'est juste des collabs aussi. Enfin, tu vois, il y a plein de choses. Oui, mais. Maintenant, c'est. Il faut qu'il y ait un truc de pop culture sur tes vêtements, sinon t'es pas bien. Ouais, ou de musique. J'aime bien. C'est de la pop culture. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais si je peux. T'es agréable. Hein. Ah non. Non, non. Je suis carré en fait. Je te présente Adrien Méniel. Ah non, mais je me laisse pas contredire. C'est un mec entier. Excuse-eux. Tu vas pas le vouloir. Et oui. Et moi, c'était mon. Parce que quand j'étais petit, pour le coup, je me faisais emmerder. Parce qu'aujourd'hui, c'est stylé les t-shirts Star Wars. Bah, c'est loser corps. Hein. C'est t'es... hyper gratifiant quand même. Quand t'avais 12 ans, le loser corps, ça existait pas. C'est juste. Oui, bon, t'es un. Être un loser. Être un loser. Et ça me rendait fou parce que j'étais genre. Mais d'où. C'est moins bien. Enfin, je sais pas. Ouais. Avoir un gros logo Nike ou Adidas, d'où c'est plus stylé qu'avoir la tête d'Anakin Skywalker. Mais oui, je comprenais pas, tu vois. Oui, ça dépend mais... où t'as grandi aussi, peut-être, je pense. Moi, j'étais pas. Mais quand même harcelé pour cette raison. Enfin. Et d'autres, mon visage, mon tempérament. Et juste le fait. Le fait de kiffer, faire un peu de calculette à la récré. Pour écrire Elbez en retournant la. Ça, j'ai pécho grâce à ça. Putain, c'était son classique. Non, loser corps, ouais. Loser tout court. Loser tout court, c'est. Et ça met combien de temps à choisir ses fringues le matin? Oh là. Ouais. Là, ce matin, ça allait très vite pour le coup. Ouais. J'aurais peut-être dû. Je t'imagine mentir alors que t'as mis du temps. Non, ce matin, j'étais très vite, hein, Nadia. J'ai pris le premier truc. Okay. Non, je mets du temps à les choisir quand je les achète. Ouais. Genre, vraiment, j'achète pas n'importe quoi et tout. Genre, celui-là, là, je suis allé deux fois, je crois, à la boutique. Okay. Et je suis en mode parce que sinon, je fais n'importe quoi. Ouais, sinon, je prends, je remplis et j'essaye chez moi, à limite. Ouais. Donc là, je suis allé deux fois à la boutique pour acheter. Ah, tu détestes les cabines d'essayage, par exemple? Non, ça me dérange pas. Ah ouais. Ça me dérange pas, mais genre je l'essaye et tout, et je reviens pour être sûr que je le voulais bien. Genre, okay. Si j'ai pas le regret ça, de j'aurais dû le prendre, aussi. J'y retourne. Ça veut dire que j'ai bien fait de pas l'acheter. Ah oui. Tu vois, ouais, tu vois ça, et c'est en fait, malin. Comme j'ai que des trucs. Du coup, comme chez moi, j'ai que des trucs que j'aime bien. Je peux m'habiller ultra vite. Ouais. Hop, j'aime bien ce pantalon, j'aime bien ce truc. Allez, ça y va. Et après, j'arrive dehors, les gens ils me disent tu dégoûtes et tout. Mais moi, je suis content. Pas les gens, Nadia. Et en plus, j'ai que des trucs ultra oversize et tout. C'est vraiment trop facile à mettre. Ouais. Si c'est mal mis, c'est le style. Et vas-y. Ouais, je comprends très bien. Je suis dans ta team. Nadia ? Non, moi c'est assez rapide. Aussi ? Ouais. Tu choisis pas. Il y a des gens qui font ça, qui choisissent la tenue la veille par exemple. Ah, oh, ouais. Toi, tu fais pas partie de Calmos quand même. Non, je suis pas. Calmos quand même. Ah, des gens font ça. Oui, gens, bien sûr. Des gens font mais ça, non, mais c'est les gens qui se lèvent tôt, frère. Non, c'est quand il y a un événement peut-être. Ouais. Voilà. Et là, tu sors la marque de pas luxe. Pas porter mon t-shirt Star Wars en carrément, par exemple. Oui, on s'adapte. Non, moi, je le fais. En revanche, ça, quand je prends un train tôt, par exemple, j'ai vraiment le truc que je vais mettre qui est déjà prêt. Comme ça, le matin, je suis pas en train de perdre du temps et tout. Oui. Sachant que le truc à mettre, c'est un survêtement parce que je prends le train. Mais tu l'as choisi. Mais je prépare le truc. Mais tu dors mieux, en fait. Ouais. Mmh. Tu dors mieux. Et le matin, tu sais que t'as pas de temps à perdre. Et moi, je mets pas de. Enfin, ça va assez vite. Mais parfois, il y a des jours où je sais pas pourquoi j'ai un blocage. Genre, je m'habille et fais ah non, ça va pas. Et je suis dans une espèce de. Je vais pas dire crise d'angoisse parce que c'est un peu abusé. Mais un truc de genre non, ça va pas, ça va pas. Ouais. Et je change de sweat. Non, ça va pas. Peut-être que si je mets un autre pantalon avec celui-là, je change de pantalon. Ah, tu dis un peu et je suis genre. Et j'ai un peu un truc de fou, quoi. Ah ouais. Et la honte. Ouais. J'attendais encore une fois l'alarme, mais tu l'as provoqué. Il y a un truc de je suis là, je change de pantalon, je rechange, et puis parfois pour au final avoir un truc et je fais bon bah vas-y, tant pis, c'est pas ouf, mais je sors comme ça quoi. Purée. Moi j'ai découvert récemment. Ouais, c'était deep, hein. Pour moi j'ai vu. Autre chose que les vêtements, quoi. Non, mais un malaise profond. À coup sûr! Si on creuse, tu vas voir, c'est la famille, etc. Mais Moi, récemment, c'est terrible, mais quand l'été arrive, je suis fou de shorts. J'ai même découvert le jersey. Tu sais, les trucs genre canadiens, les trucs un peu hockey. Ça, j'aime beaucoup aussi, ça. Ça, je peux adorer, oui, ça. D'accord. Ça, je me sens très bien. Je crois que tu parlais de la matière. Ouais, bien sûr. Ah, non, jersey! Non. Le maillot, quoi, en fait. Un short en jersey, c'est extrêmement moche. Oui, mais tellement confort. Je dois en avoir. J'en ai, bien sûr que j'en ai. Roborock va lancer une nouvelle gamme de robots. De quoi seront-ils capables de faire? Oh, je suis en plein dedans. Alors, ils vont pas aspirer tout seuls, mais par contre, ils vont te forcer à passer l'aspirateur. Ils vont t'attraper par les veuches et tout. Ils font la. Hey, gros crado. Mon rêve, un robot qui me force à faire des trucs. Je crois qu'ils le font. Je crois qu'ils le font déjà, mais pour qu'on, ça va nous aider dans notre recherche. Ils font vidange déjà tout seul. Ça, j'adore. Ils font nettoyage des comment ça s'appelle là, des mini serpillères tout seul déjà. Ah oui, d'accord. Et peut-être la prochaine étape, c'est changer les petites serpillères. Alors. Tout ça sont des bonnes réponses, c'est pas ce qu'on cherche malheureusement. Oh, mais on est autour des robots aspirateurs. Ah. Est-ce que justement quand ils voient que les serpillères elles sont usées, ils en commandent des nouvelles automatiquement? Oh non, alors c'est peut-être, mais ce n'est pas la réponse que je cherche. Est-ce que c'est des aspirateurs qui peuvent te poser un parquet en chevron? Dans la foulée. C'est pas droit. Ils ont une raie du cul apparente, comme. Alors ce n'est pas la bonne réponse d'ailleurs. Déplacer les obstacles. Très bonne réponse. Oui, oh, wow. oui, je le sais. Ah, j'aime. Je sais pas si j'aime. Et encore plus. Touche pas mes meubles. Ramasser. Touche pas ma table basse. Ouais, il y a un truc genre. Doucement, doucement. Et où la table basse? Eh ben fallait nettoyer. C'est avec les encombrants maintenant. Tu reviens, c'est... il y a eu un bug, tout est vide. Je t'ai dit de rien laisser par terre, gros. Il passe une annonce Le Bon Coin automatiquement et tout. Wow. C'est fou. C'est gratuit si vous venez la chercher. Alors, non seulement il ramassera, mais il rangera. Quoi ? C'est-à-dire qu'il peut mettre dans un petit endroit précis, okay, les choses. Je vais vous raconter. J'adore. Il ramassera et rangera. Ramasser et ranger vos chaussettes sales avec son petit bras musclé. Ah, j'aime bien. C'est exactement ce attends, que propose. Il a un petit bras. Bah oui. Attends, parce que lui il est passé de, et il régale parce qu'il est passé ouais. De j'aime pas, touche pas à mes affaires. Et après t'as dit il les range, et j'adore. Mais tu croyais qu'il les mettait où, gros? Genre, vraiment, en vrai. Non mais en fait j'étais. Regardez ce petit bras articulé qui. Oh, sort. Il est mignon. Il est un peu mignon. C'est ça qui est terrible. Il est un petit peu mignon. Moi j'aime bien. Ouais, dès que j'aurai un appart plus grand, je le prends. Tu crois? Parce que là, c'est ridicule d'avoir ça chez moi, c'est petit. C'est ça combien prend... de mètres carrés chez toi? 31. Ouais. C'est le robot. on peut t'acheter, si tu veux, le petit truc des gars de dehors, là, pour attraper les le petit bras. Le petit bras, oui, des oui, gars de dehors. Oui, je vois très bien. J'en ai un. T'en as un? C'était une de. Ouais, j'adore. C'est vrai? Les pinces, ouais, oui, j'adore. Pinces télescopiques. Mais c'est génial. Au lieu de mettre un tabouret. Monter dessus, attraper un truc en hauteur, tu prends ton truc, clac, tu le prends. Tu le fais pour attraper des trucs en hauteur? Ouais. Oh le fou. En fait, t'es addict au confort. Attends, ah, mais oui. C'est fou parce que c'est une révélation. Non, mais c'est une révélation que j'ai eue ouais. Parce que je me suis dit, putain, j'ai pas d'addiction. Alors qu'en vrai, si, les réseaux sociaux et tout. Mais je me suis dit, je pense que je suis addict au confort. Ouais. Bah, je et comprends. Ben, ouais. Putain, tu m'as analysé, mais très vite. Est-ce qu'il faut pas en faire des t-shirts? Peut-être. Le merch, en ouais, confort addict. Donc... mais oui, non, mais c'est génial. Moi, je recommande à tout le monde d'avoir ça chez soi, la pince là. C'est trop bien. Non. Et à chaque fois, on se fout de ma gueule. Je suis pas avec toi là. C'est trop bien. En fait, que toi tu aimes, c'est une chose. Ouais. Tu commences à le proposer aux gens. Ouais. Non, ça me met mal à l'aise. C'est du prosélytisme devrait, que je tout le monde devrait avoir ça. Ah ouais, t'es en. Ok. Tu vois, quoi, des fois, je veux ranger genre un pull en hauteur. Oui. Clac, je le pince. Non, paf, mais ça marche pas, ça marche pas. Bien sûr que ça marche. Un pull, c'est mou. Mais il faut avoir une certaine maîtrise. Non, mais même ranger un objet, genre un pot ou un objet comme ça. Un objet dur, je te suis. Ouais. Un pull, t'as un pull, ça marche. Non. Si non, un pull, t'es ça marche pas. C'est dans ta pile d'en haut, c'est pas très bien rangé, tu vois. Nadia Debunk, Nadia Debunk. S'il y avait double pince, peut-être. Genre, oh. Hop. Qui te dit que j'en ai pas deux? Non, j'en ai pas deux. J'en ai pas deux, j'en ai pas deux. Le voir quand même, Assad devenir un méca, tu vois. Il est en. En vrai, j'en ai deux, mais pas identiques. Monopince. J'en ai une autre pour récupérer les trucs. Deux, okay. Non, parce que j'en ai une autre, mais pour récupérer les trucs qui tombent dans le trou des lavabos là. J'ai une mini pince qui. Oh. Hop là, elle est aimantée. Bon, après, je veux pas me. Marc Lavoine, je sais que je vous ai déjà impressionné, mais là, j'ai une pince aussi aimantée. Et elle m'a servi. Voilà. Moi, j'aime pas les objets qui ont une seule utilité, ça m'agace. Alors que voilà. Moi quand un objet il a plusieurs utilités, je me dis bien. C'est comme les gens dans leur bio qui ont trop de trucs, tu fais bah il y en a aucun que tu couteau fais suisse, bien. Ouais, tu sais. Pas non. Couteau à beurre max. Ouais. Max. Donc ce petit robot qui s'appelle le Saros Z70 a été dévoilé au salon d'électronique CES de Las Vegas. Associant robotique et IA, cet aspirateur d'un nouveau genre est équipé d'un bras articulé et motorisé capable de déplacer des petits objets et de les ranger tout en faisant le ménage. Dans la mémoire du robot figure, selon son fabricant, une base de 108 objets pouvant peser jusqu'à 300 grammes. J'ai une question. Je t'en supplie. Comment est-ce qu'il va différencier une boulette de papier d'une chaussette sale? Il y a une caméra à l'avant. Ah, il y a de l'IA peut-être. Oui. C'est ça, il y a de l'IA. Ah, okay. En fait, oh, le robot a en magasin 108 objets différents pour le moment. Okay. L'idée, c'est d'en mettre de plus en plus avec le temps. Le seul truc, c'est qu'il faut pas que ça dépasse plus de 300 grammes, parce que le petit robot n'est pas non plus surmusclé. Oh, le bouffon. Le gros nulos. Tu utilises son petit bras robot pour se taper. Alors, arrête de taper, bouffon. Sur la photo, il ramasse une pantoufle. T'aimes trop. Donc tu vois un peu la cible des gens. Oui, bah C'est le loser corps, j'imagine. je crois que c'est moins. Mais ça coûte cher, non? C'est déjà en vente. Ça va coûter très cher. Alors, c'est pas encore en vente, ça va bientôt être en vente, mais ça coûte effectivement une fortune. Non, je vais me baisser en fait. C'est bon. Non, mais je crois que c'est. Allez, je me baisse. Les robots trucs là, les gros modèles, je crois que c'est genre 700 000 balles, non? 700 000? Non, 700 000 balles, j'aurais 1700. Oui, non, oui, je crois qu'on est. Est-ce que tu parles en couronne suédoise là? Parce que c'est très bizarre quand c'est 700 euros, 1000 euros, ouais. Mais frère, il y a une base, il rentre dedans, il vide l'eau sale, il fait rentrer de l'eau. Mais c'est pas mon problème ça. Ok, pardon. Oh, j'adore. La photo là, il est en train de jeter un petit détritus dans la poubelle. Oh wow. Hop là. J'aimerais trop, il y a une photo, la prochaine, il tient un joystick, il joue à Street Fighter. Avec quelqu'un. Ça devient triste là. Bah, le prix n'a pas encore été communiqué, mais sachez que déjà les robots effectivement aspirateurs de base coûtent effectivement environ. Là, ils estiment que ça va sûrement aller autour de 2000 euros quand même. Ouais, bah un bon. Ah, j'ai robot plus besoin. Un bon. Combien 2000 balles. 2000 ouais. Un bon robot aspi, c'est à partir de 600, 700, ouais. Mais moi, j'aime bien passer l'aspi. Le robot aspi me. Je vais pas me baisser. J'ai une pince. Il y a un entre-deux qui est très accessible. C'est moi le robot en fait. Moi j'ai peur que le robot il voit la pince, il commence à être jaloux, veut le tuer. Tu vois, moi j'imagine. J'ai peur. Tous tes objets entre eux, je pense que ça peut mal finir, Adrien. Je pense qu'il peut y avoir de la jalousie auprès de tes yeux. Encore un flocon de popper, ça non. Ouais, mais pardon, regardez, il y a marqué puissant mais délicat. Oh. Comme Margaret Thatcher. Le Margaret Thatcher des aspirateurs. On s'en fait un t-shirt. Non, moi j'aurais peur qu'il fasse peur à mon chien en fait. Oh. Quand je suis pas là, j'aurais peur qu'il avec sa pince là, qu'il l'attrape au cou. Les poils. Il lui fait une clé de bras. C'est moi son compagnon. Je suis son préféré à présent. Donc oui, chaussettes, sandales, mouchoirs, froissés, serviettes. D'après Roborock, 50 objets supplémentaires peuvent être assurés grâce à l'IA embarquée. Comprenez qu'il est possible à travers l'application du Z70 de définir et de catégoriser des objets que l'aspirateur n'intégrerait pas dans la base de données. Tu peux aussi lui dire non, ça tu le laisses traîner. J'adore, laisse ce mouchoir visagé par terre. Est-ce qu'il dit si on peut lui apprendre, genre on lui fait filmer un truc, on lui montre, on lui dit ça tu ramasses. Ouais c'est ça. Et ça, c'est ce qu'il vient de dire. Je sais pas si c'est comme ça que ça fonctionne. Non, mais je croyais que c'était genre les trucs qui sont déjà dans sa base de données, tu peux dire ça oui, ça non, ça oui, ça non. Mais tu peux aussi lui apprendre. Ouais, j'aime bien que t'aies envie de Ouais, qu'il a envie d'apprendre et finalement de transmettre. Ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment beau chez toi. T'as envie d'appeler ce robot mon fils peut-être quelque part. On va en arriver là. Et est-ce qu'il peut faire, par exemple, on imagine avec son bras, si tu t'étouffes et que t'es célibataire, tu peux faire la méthode de Hamlisch, par exemple. Je pensais aller dire des papouilles. Il te prend, il te fait la méthode de Hamlisch et comme ça tu meurs pas seul chez toi avec une miette de pain dans la gorge. Et il peut faire ça ou pas? J'avais demandé dans la semaine dernière, mais j'ai envie de demander à vous, est-ce que vous pourriez avoir un robot? Est-ce que vous aimeriez avoir un robot? Je suis en train de regarder en ce moment. C'est pour ça que j'étais au courant. Je regardais les trucs là. Mais robot Aspi, toi tu pourrais. Aspi et Serpillard là, ceux qui font les deux là. À tes souhaits. Bravo. Merci, je vous remercie. Et un robot, imaginons un robot un peu du futur. Non, les robots humanoïdes, je peux pas. Ça te met mal à l'aise. J'en ai vu un faire de la pâte feuilletée, depuis je suis traumatisée. Vraiment. Il tournait la pâte, il était. J'ai peur d'avoir. Est-ce qu'il mettait des petits coups de fourchette pour aérer la pâte? Non. Je sais pas, il faisait ce qu'un boulanger ferait normalement. Est-ce mais de qu'il manière s'essuyait très les agressive. Mains sur le torse comme ça? J'ai peur, un jour, j'ai vu un robot humanoïde sur une vidéo et tout. Et quelqu'un l'avait poussé, il était tombé. Oui, j'ai eu ça. Trop de sentiments pour lui. Après, je relève un peu là. J'ai peur d'avoir de l'empathie pour mais un robot. Ils sont forts parce que c'est Boston Dynamics qui a fait ça. Et ils ont leur première vidéo. C'était ça. Ouais. Donc du coup, t'as eu de l'empathie pour le robot d'entrée de jeu. Après, il pouvait faire ce qu'il voulait. En vrai, ils s'en fichaient. Maintenant, hein. Tu les montres avec deux flingues et tout, tu fais ouais, mais ils l'ont poussé quand même. Hein, mais sympa et tout. C'est vraiment, ils ont bien joué quoi. Mais il y a un peu, moi, j'ai jamais trop utilisé ChatGPT. J'avais essayé pour voir à quoi ça ressemble. Et en fait, mon problème, c'est justement ça. Ils mettent trop d'empathie dans les robots. Genre ChatGPT, il est trop en mode merci de m'avoir posé la question. Oui. Alors pour faire ça, ce qui un peut peu être boule, ouais. Ouais, et ça m'énerve. Et en fait, j'aimerais que ChatGPT lui dise. Parle-moi. Tu peux faire ça, je pense. Hein. Ah ouais. Ouais, tu peux. Genre un robot pur. Et parle-moi il va dire... normal. Oui, parle... Ouais, pas sois normal, mec. Enfin, ouais, fais pas genre. Parle-moi. Très bonne question. Ouais. Parle-moi loser corps. Traite-moi comme une merde. Dis-moi que je suis mal habillé. Si j'aime pas cette blague. Ouais. Bon, Adrien, toi, je t'avais évidemment demandé. Toi, ton rêve. Oui. Moi, ce que je disais, c'est j'aimerais un robot. Pas qui fait les trucs à ma place, mais qui m'oblige à faire les trucs, tu vois. Genre qui me chope et qui me dit fais le ménage maintenant, tu vois, ou un truc c'est comme ça. Le qui me fait une clé de bras ou un truc. Ouais, mais tu vois, un niveau au-dessus, quoi. Tu veux le parce que la montre, elle parle trop gentiment, tu sais, ils disent levez-vous peut-être et tout, alors qu'elle devrait faire culpabiliser. Elle quoi. Dit levez-vous point d'exclamation. Oui, non, attention. Ouais, mais il y a un côté enthousiaste. Elle devrait faire culpabiliser quoi. Moi, tu es juste. Levez-vous, non. Tu as déjà rien que ça, tu te lèverais déjà. Moi, je trouve ça hyper passif-agressif. Ouais, moi aussi, la montre, je la trouve dure aussi. Lève-toi, gros patapouf. C'est ça que j'aimerais. Bah, un peu, tu vois. Ah, bah non. Genre, lève-toi, non. Non. Tu vois, si elle disait ça, tu ferais. Ouais, j'avoue. Lève-toi, gros porc. Non, ma belle. On va pas faire cela. J'ai pas besoin que les robots en rajoutent. Bah oui. Par rapport aux humains. Juste, elle continue à parler pareil, et si tu te lèves pas, juste. Elle serre un peu le poignet. Tu vois, un petit coup de jus. Ouais, ok, je me lève. Mais déjà là, moi je découvre, hein, et j'ai fait le truc. Temps pour vous là, minute de détente là. Ah oui, ça vient d'enlever moi. Et genre vraiment, ouais, la relation a passé un cap. Bon, je peux le dire, genre vraiment, elle m'envoyait des vibrations quand il fallait que je respire et tout là. Ouais. Okay. Trop directive, moi, tu me donnes pas d'ordre. T'as jamais fait le détendez-vous là? Minute je vois et j'ignore. Mais non, fais. Bien sûr. Je fais pas. Dans le métro. Okay. Oui, même c'est le genre... fait qu'elle me dise oulala, ça fait longtemps qu'il y avait de la musique forte, ça m'énerve un peu. Ouais. Je fais bon, je fais ce que je veux. En fait, mes oreilles, mon choix en fait. Attends, mais parce que ça c'est très fort pour qu'il y ait le truc environnement bruyant là. Non, alors environnement bruyant c'est dans les concerts, les trucs, mais des fois quand t'écoutes. Je fais du running. Et quand j'écoute fort de la musique longtemps, ils te disent attention, là ça fait longtemps que vous écoutez longtemps de la musique fort. Mais toi t'écoutes très fort, cela dit. Pas tant. En vrai, c'est le seul conseil que je trouve ok. Ah non, c'est vraiment pour protéger tes oreilles et tout. Mais okay. Genre, levez-vous gros porc, non. Elle a jamais dit ça. Elle est pas comme ça, la montre. Non, elle est adorable. Tu parlais de ton frère qui faisait des jeux vidéo. Et bien, sache qu'il y a une marque indonésienne, Araku Ramen, qui va commercialiser des nouilles particulières qui présente comme spécialisées pour les gamers. À votre avis, pourquoi est-elle spécialisée pour les gamers? T'as pas besoin de les mettre au micro-ondes. Tu casses un truc, tu mets les nouilles dedans et ça chauffe tout seul avec un seul objet. Alors non, t'as quand même besoin de les chauffer. Oui, mais avec l'objet qui est dans le truc. Non, tu dois les mettre au micro-ondes. Ok. Tu dois quand même les préparer comme des vraies nouilles. Est-ce que c'est t'es deg, hein? Je te sais de fou. J'avais dans ma tête c'était ça là. Est-ce que c'est une facilité de préparation ou est-ce que c'est un clin d'œil au monde du jeu vidéo? Mais c'est tu poses de très bonnes questions. Les questions sont voilà. Alors, ce n'est ni un clin d'œil au jeu vidéo. Et ce n'est pas dans la préparation que tu fais toi. C'est vraiment la nouille en elle-même a une particularité. Un seul repas suffit pour la journée. Alors, non, c'est pas ça, non. C'est genre des nouilles Red Bull quoi. Non mais genre il y a de la taurine dedans quoi, tu vois. Mais bête d'idée. Cela dit, bête d'idée. Ah, bien creusé. Est-ce que tu peux te servir de l'emballage pour faire un truc? Non, ce n'est pas la. Non, ce n'est pas la, ça. C'est la nouille elle-même. Mais c'est des bonnes idées. Hein, est-ce que c'est en termes de nutrition qu'il y a une particularité quoi? Non, c'est vraiment en termes de ce qu'est la nouille. Est-ce que la nouille est en forme de joystick? Non. La vieille dame. Attends, de ce qu'est la nouille? Est-ce qu'on peut sub à la nouille? Elle peut se manger avec les doigts? Non. Est-ce qu'elle peut se servir dans le jeu vidéo? Non. Il y a un QR code sur la nouille. Mais non, mais je crois que c'est McDo, ils font ça là avec Minecraft. Genre le menu est un QR code également pour avoir des trucs sur Minecraft et tout. Elle s'ingère d'une façon particulière? Comment? Elle s'ingère d'une façon particulière? Par voie rectale. Non. C'est pas ce vous aimez pas trop ça les gamers? Ça vous facilite tellement la partie. Pendant la game là. C'est pas dans la façon d'ingérer, mais effectivement ça joue sur la façon de l'ingérer. Mais c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'il l'a. C'est vraiment ce qu'est cette nouille. Elle c'est a, juste c'est une énorme nouille. C'est-à-dire? Elle en une fois. Ah, je sais. Il n'y a pas plusieurs nouilles, il y a une nouille extrêmement longue et t'as pas à revenir dessus à chaque fois. Vous avez tous les trois. Genre, tu l'aspires en. Ah, tu joues et tu t'aspires ta nouille pendant une fois. Ouais. En une fois, exactement. Ouais, mais attends. Dans le Discord là. À moi. On a trois. Mais ça doit être dur. Alors, j'en sais rien. Tu dois faire des pauses quand même. Bah, tu peux pas l'aspirer en une fois d'une traite. Ça dépend. Il faut que tu passes les entraînements avec l'Apple Watch. Ouais, faut du souffle hein, quand même. Je pense que tu la cales à ta canine. Oui, c'est tu ça. Fais une petite pause, tu la bloques. Tu reviens. Fais... Après, hop, juste, tu l'as avec tes lèvres tout bonnement. Oui, voilà, tu la pinces un petit peu, tu vois, comme une clope. Ouais, mais. Un petit peu. Ah ouais, waouh. Et ouais. The one j'imagine noodle. Vraiment, tu sais, elle est enroulée autour d'un rouleau, tu sais. Je te le dis immédiatement, c'est une nouille de 3,5 mètres de long. C'est très grave. C'est... Comme les vers solitaires. Ils l'ont pas mis ça dans le marketing. C'était accrocheur. L'idée, permettre aux joueurs et joueuses de savourer leur repas sans jamais quitter leur écran. Tu vois, ils peuvent rester comme ça. Petit coup d'aspiration, petit coup d'aspiration. Une création à la croisée de la food culture et du gaming. Une phrase qui m'a énervé. Aussi inattendue qu'ultra ciblée avec sa texture plus épaisse pour mieux retenir les saveurs. Cette nouille unique en son genre offre une expérience immersive sans distraction ni interruption. Non. Quand la chance nous a proposé cette idée, je me suis dit c'est complètement fou, mais brillant. Confie Dewa Harry, directeur marketing du groupe Ismaya. C'est fun, ça sort de l'ordinaire et ça répond à un vrai besoin. Non, non. C'est typiquement une innovation que seul Haraku Ramen pouvait proposer. Eh oui. Ça, plus ton idée du Red Bull, on tient un truc. Je suis ultra sérieux. Je suis ultra sérieux, frérot. De la nouille, là, tu l'as fait bouillir dans du Red Bull. Gros, ils vont devenir insane. Mais ça existe déjà, la longue nouille, là. Tu l'as déjà vu, toi? Il y a des restos, je crois que c'est chinois, c'est pas japonais ou, ouais, ou quoi. Et je crois que c'est chinois, mais c'est... elle est plate. Okay. Elle est plate et il y a genre, c'est comme le bouillon est tout dedans et c'est une longue nouille en une fois et elle est plate là comme ça. C'est délicieux. Mais moi je suis assez fan des nouilles dans la soupe et tout. Ça, bien sûr. Les petits ramen, c'est. Tu sais que j'ai découvert ça très vieux moi. J'ai découvert ça, je pense, à 28 ans, 29 ans. T'as quel âge là? Moi j'ai 33. Ok. Ouais, ouais. En fait, j'ai aucune curiosité dans la bouffe. C'est un vrai défaut que j'ai. Et j'ai découvert les ramen et maintenant je pourrais manger que ça. Donc je reproduis le problème. À savoir, je peux bouffer qu'un seul truc non-stop. Ramen céréales, ramen céréales. Mais pourquoi diviser les recettes? Pardon. En Russie, un prof de sciences physiques a provoqué la controverse, à votre avis. Pourquoi? Alors, est-ce que la discipline qu'il l'enseigne a un lien avec le truc? Non. Okay. Il a fait une erreur. Le fait d'être russe a un lien avec... Non. Un accident, c'est un accident. Ok, d'accord. Un accident dans son domaine de recherche, enfin d'enseignement? Non. Enfin, comment ça? Dans son métier, oui, c'est lié, c'est grave parce que c'est dans le métier de professeur. Il a enseigné un truc qui n'était pas correct, qui non. était faux? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ça, t'as le droit en Russie. Un accident genre physique quoi. Non, enfin, pas genre, un accident non, pas violent quoi. Ok. Juste une erreur qui est pas ouf. Oh. C'est un scientifique, du coup c'est des matières scientifiques. J'ai pas la c'est un professeur de physique, mais ça va pas t'aider à trouver la réponse. Il a tué un enfant. Non. Il y a pas eu de blessé quoi. Ça a fait un bad buzz. Il y a pas eu de blessé. Aucun blessé physique. Ah, mais moralement. Ça a pu, on sait pas encore. L'amour propre des élèves. Le temps nous le dira. Des chiottes ont explosé, ses élèves ont été maculés de merde. C'est malheureusement moins bien. Ouais. Mais ouais. Alors là. L'erreur implique que les élèves ont été malmenés quelque part? Ouais, en tout cas, ils ont assisté à quelque chose auquel ils ne devaient pas assister. Oh. Est-ce que pendant qu'ils faisaient une présentation, un truc s'est affiché? Un truc un peu gênant? Ah bah, très gênant. Une photo de lui à Walp. Non. Sa queue. On n'est pas loin, Nadia, je suis à ça de là. Pas un nude, un truc comme ça? Il y avait des nudes, mais pas de lui. D'enfant? Non. Un moi. Pardon. D'une célébrité, quoi? Non. De sa femme? Non. Des gens nus, on peut les voir où? Dans l'internet. Ah, du porno, quoi? Il a ouvert un site porno et un simple porno. Oh non! Il a maté un petit boulard. Et aux élèves, ce qui est questionnable. Il a ouvert. Mais ça aussi, en Russie, on a le droit. Et en fait, il avait oublié que l'écran de l'ordi était en Apple, en Chromecast. Aïe, attends, aïe, il s'est maté un film de cul pendant le cours. Ouais. Bah, c'est plus grave que ce que je viens de dire. Bah, ouais. Alors, il se branlait pas, hein, mais bon, il s'est lancé. Ah, bah, ça non, mais bon, voilà, je remets au centre du village. Oh my god, mais c'est pire, je crois. C'est très grave. Non, mais je préfère qu'ils se branlent. Ouais, tu veux dire, regarder un porno juste comme ça, les bras croisés, comme des fois, tu sais, tu vois. Soit vraiment 360. En même temps, les élèves ils posent des questions, ils font pardon. Oh, bah, exactement, oui. C'est dans la consigne. Hein. La poussée d'Archimède, oui, voilà. Un prof de physique de 63 ans a accidentellement projeté un extrait d'un film porno. Quel âge, pardon? 63 ans. Frère. C'était moins grave s'il était plus jeune. C'est bizarre, hein. Je sais pas pourquoi, mais. Non, tu m'aurais dit 22, ok. Un extrait d'un film classé X devant ses élèves âgés de 13 à 14 ans, comme le précise le The Sun, l'enseignant a été surpris en train de regarder un porno sur son ordinateur portable alors qu'il venait de donner des devoirs à sa classe. Selon le site d'information, le secrétaire a oublié que son appareil était connecté au vidéoprojecteur de la salle. Armé de son smartphone, un élève s'est empressé de filmer son professeur. Sur ces images, on aperçoit l'homme en train de sourire devant son écran, tandis que le projecteur connecté à son ordinateur. Il avait le smile. Et oui, le clip a suscité un flot de plaintes des parents d'élèves, évidemment, en colère. J'ai de la tendresse. Il est souriant, il est genre. Ça fait plaisir de la revoir. Il regarde d'un air bienveillant, oui, c'est oh la jeunesse, putain. En fait, c'est il beau le regarde comme un vieil album photo. Oui, c'est ça. Moi, c'est plus de mon âge, mais c'est beau quoi. Déjà, 63 ans, il est encore là, c'est cool. Mais face à cette situation, la direction d'établissement a néanmoins refusé de suspendre son enseignant, arguant qu'il serait difficile de recruter un autre. Pas le meilleur argument. Un argument à la russe. Ouais, mais triste pour l'éducation là-bas. C'est vrai qu'il y a vraiment pas beaucoup de profs apparemment. Quoi. C'était quoi votre matière détestée à l'école? Celle que vraiment vous aimiez le moins, Nadia? Les maths. Ah ouais, direct. Ah ouais. Donc t'as fait L ou L. Ouais, c'est ça, forcément, comme tous les gens qui détestent les maths, je suis dans ta team. Exactement. Évidemment. Les maths, c'est terrible. Je comprends pas pourquoi vous faites des choses, des équations, des machins. Pour aller, arrêtez. Pour aller sur la Lune, mais. je t'expliquerai. Construire des métros. des sauts. Et toi, Merwan? Alors, allemand. Ah, t'as fait allemand? J'ai fait allemand, moi. Ok. J'étais, classe et européenne. Pourquoi? Parce que, frère, je crois que c'est illégal. Hein. Mais en gros, le prof d'allemand. Du collège qui était le même que le prof en Russie. C'est illégal, je comprends. Il faisait des bêtes de vidéos. Non, il venait dans notre classe en CM2. Il venait dans notre classe du collège là. Ouais. Il venait dans notre classe en CM2 et il nous dit, il nous faisait de temps en temps des petits cours d'allemand là. Et genre, il était super cool. Il venait en skate. C'est tellement des paquets de Golden Girls. On avait 10 ans là. Et il nous disait, c'est tellement cool l'allemand. Et après, et vous l'année prochaine, vous n'allez pas faire espagnol comme tous ces losers. Et nous, du coup, on faisait allemand et lui, il gardait son travail. Et après, on arrivait en 6e et il disait, je ne suis plus du tout la même personne. Et en fait, il était horrible. C'est hilarant. C'est genre quoi. Et ils venaient nous recruter à 10 piges, frère. T'as été happé par ce personnage. Hein? T'as été happé par ce personnage. Gros, mon prof d'allemand, monsieur Hébert, en vrai, il était trop gentil. On l'embrasse. Et gros, c'est vraiment. On l'appelait en cachette, on l'appelait Flanders. Parce que c'est vraiment Flanders dans les Simpsons. Genre, frère, on l'a là, gros, c'est vraiment lunettes, moustache et tout. Et il était. Ça se voit, il est en forme. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et non, allemand, frère. C'est jamais rentré dans ma tête. Je sais pas s'il y en a qui ont fait allemand autour de la table. Non, pour des raisons évidentes. Non, mais tu vois, en anglais, l'article c'est simple, tu vois, c'est the, tu vois, dit ouais, machin ouais. Et tout. Frère, en allemand, il y a l'article qui change en fonction oui, la de la température, le temps, ouais. La personne, le genre de la personne qui parle. Frère, il ouais, y a ouais, genre c'est... der, die, das, dem, den, der, frère. Et en fait, c'est impossible à retenir. Ça s'appelle le tableau des déclinaisons. Et j'ai abandonné, gros. J'ai abandonné. On m'a recruté en CM2, gros. J'ai l'impression, frère, enfant soldat. En vrai, c'est trop une dinguerie, gros. On est venu me chercher à 10 ans, mais on va au charbon, frère. Et moi, je me souviens, ça m'a débloqué un truc de moi. Je me souviens aussi d'un prof d'allemand qui vient, alors peut-être pas en CM2, mais qui vient nous dire. Eh, c'est chambé, je crois que c'est en 4ème que tu choisis LV2 et qui vient dire, eh, c'est chambé l'allemand, hein. Franchement, l'allemand, vous pouvez faire plein de trucs, hein. Mais tu sais comment il nous. Alors que non, bien sûr. Il y avait Tokyo Hotel qui jouait un peu dans pour eux, mais c'était max, quoi. Mais tu sais comment il nous a bien eu, frère. Moi, LV2, c'était anglais. J'étais LV1 allemand, gros. Je me disais, s'il est venu en CM2, je me suis dit, c'était LV1. LV1 allemand, c'est dur, ça. Ouais, LV2, c'était anglais, moi. C'est trop grave, gros. T'as niqué toutes tes langues vivantes, en fait. T'as niqué toutes tes langues vivantes. Il a réussi à vous faire croire que c'était plus populaire que l'anglais. Et on est allé. J'ai juré, gros, on est allé en voyage en Allemagne, tout ça. On a parlé que anglais. Mais ça, c'était leur tricks pour faire apprendre des trucs. Moi, je me souviens que ceux qui apprenaient latin, ce qui était fou aussi, ça, quand même, apprendre une langue morte. Et bah, c'était genre, ouais, mais attends. Tu vas aller en Italie, mon pote. Ouais. Et ça, pas mal. Et ça, ça avait plu chez beaucoup de gens. Ouais, ouais. Non, mais à cet âge-là, c'est une des motives. Hein. Bah, t'imagines. Sacrifier 4 ans de sa vie pour aller en Italie, là. 10 jours avec la prof. Aucune promesse de voyage. Hein. Ça va vous aider pour la grammaire. Oui, parce que personne parle latin en Italie. Ouais, c'est ça, évidemment. T'as fait latin, non? Non, j'ai pas fait latin, mais ils nous promettent. Putain, non, j'ai pas envie. Ouais, moi-même j'avais fait anglais renforcé. Ah, moi énorme douille, c'est juste de l'anglais en plus, quoi. Ouais. Enfin, c'est vraiment juste des heures d'anglais en plus. Vraiment n'importe quoi. Toi, Adrien, il y a une matière que t'aimais pas à l'école? L'histoire. Ah ouais? Ça m'étonne de toi. Ouais, bah, moi aussi, ouais, mais j'ai fait l'histoire. Et je vois Laurent Dutch devant moi. Stéphane Bern aussi. Je sais que c'est fou, mais j'ai évolué depuis mes 14 ans, en fait. C'est un concept qui m'est totalement étranger. Non, mais. Non, j'arrivais pas. En fait. En gros, la raison était toute simple, c'est que l'histoire, tu peux pas juste y aller au talent entre guillemets, quoi. Oui. Tu peux pas y aller et inventer des faits historiques et tu vois. Ouais. Donc en gros, j'avais 2 sur 20 quoi en histoire parce que bah moi je. En fait, t'étais révisionniste. C'est ça. C'est que je vais pas continuer. C'est non mais tu vois, il y avait des matières genre chez Guillaume Play, c'est l'endroit. Le français, le français. Elle vient de m'arriver. Le français, je pouvais, tu vois, il y avait pas des trucs à apprendre par cœur. En fait, dès qu'il y avait des trucs à apprendre par cœur, j'étais nul et du coup, j'aimais pas la matière, quoi. Tu travaillais pas. Mais moi, je suis d'accord. Non, pardon. Voilà, je travaillais pas à la maison, je faisais pas mes devoirs. Oh là là, le bad boy. Ouais. Moi, j'avais la chance d'avoir en histoire, j'ai eu plutôt de la chance. J'avais des profs qui te faisaient vivre un peu les trucs, quoi. Moi, je suis pareil. Je trouve que c'est très intéressant. Déguisé en Napoléon. Une main dans le gilet. Qu'est-ce qui se passe? Pas d'emprisonné sur cette. Faut-il quand même Attends, tu me dis des trucs quand même. Depuis, ouais. Non, mais il te faisait vivre un peu le truc comme si c'était un film ou un bouquin, tu vois. C'est intéressant quand t'as un bon prof et c'est un peu genre une conférence. Mais après, je suis d'accord avec toi, genre tout retenir. Ouais. Non, merci, je préfère rester bête. Parce que Marignan 1515, je m'en fiche. Non, mais en vrai, maintenant, évidemment, je me dis, c'est. Ça aurait été ultra bénéfique que je suive les cours d'histoir, mais j'aimais pas. Et maintenant, je me dis, c'est hyper important, justement, pour mettre les choses en perspective et tout ça, de connaître l'histoire, mais voilà, je suis passé à côté quand j'étais au lycée. Bah, t'inquiète, je te froisse un peu le dos là. Ouais. Vraiment, j'ai un robot qui m'apprend. Moi, j'attendais l'alarme encore, toujours pas. Mais et la matière préférée la zik, musique Non, français, je pense. Ouais. Ouais, je français pense. C'était un peu la douille. J'avais l'impression que français c'était le truc où tu pouvais pas être bon et y aller un peu à l'audace des fois. Ouais, tu vois, être un peu genre Moi j'ai au lycée là, on avait une prof qui tu sais qui rendait les copies par ordre décroissant là, meilleur note en premier et tout là. Quelle ordure. Je me rappelle, ça c'est pervers un peu. Hein. Un peu ouais. On m'embrasse, mais elle me suit maintenant sur Insta et tout. Mais non. Mimes, ouais, et genre je me rappelle d'un jour. Elle a mis soutien. Ma elle a fait une story, je te jure, elle a fait une story pour me soutenir et tout. Est-ce qu'elle a fait une story dans l'ordre décroissant de c'est bon ou pas? Non mais j'ai le souvenir d'un jour où elle a dit comme d'habitude, je vais rendre de la meilleure note à la moins bonne note, et elle commence et elle dit Merwan, et gros ça m'avait wow. Je m'en rappelle jusqu'à aujourd'hui quoi, je sais pas, tu réalises, et ouais j'avais eu un 17 et tout, mais en vrai non, j'avais une matière préférée, j'avais une prof, et c'est la prof qui a fait cette matière ma matière préférée, Madame Pichardi, qu'on embrasse, Madame Pichardi gros, c'était ma prof de SES, moi j'ai fait ES, et elle était c'était une conférencière et tout, et elle était ultra forte, mais genre et elle nous avait expliqué un jour, en gros un jour SES, elle nous fait un développement sur pourquoi nous on est une zone d'éducation prioritaire et qu'est-ce que ça change par rapport aux autres endroits et pourquoi elle avait la possibilité d'aller où elle voulait mais elle est venue ici. Okay. Et genre vraiment je te jure elle nous a fait ça, genre on l'avait fait chier 2-3 mois et elle nous avait fait un truc genre en mode voici la chance que vous avez de m'avoir parmi vous et après et depuis genre on l'écoute mais genre elle c'est fou, calée j'ai fait de la fou, même chose à ma meuf moi. Incroyable. Mais ça c'est des profs de films français qui switchent la vie d'un petit rebelle de banlieue. Madame Picardie elle a changé ma trajectoire de vie. Mais et genre j'avais un plateau à la du beatbox. J'allais dire que t'es en train de chanter aux toilettes. Elle a fait attends mais t'as un super talent enfin. Ouais mais c'est la honte madame de chanter. Mais j'avais un plateau à la con, tu sais que ça s'appelait quand j'étais petit, que ça s'appelait le sentier des bars parce que c'était au sentier des halles quoi. Okay. Et genre elle est venue me voir et tout genre. Elle était incroyable madame Pichardi. Conférencière, respect. Mais c'est trop bien d'avoir des profs qui t'ont marqué. Moi j'en ai à part les profs qui m'ont saoulé que j'ai pas aimé, mais des profs qui m'ont marqué positivement, j'en ai pas quoi. Ah ouais. Ouais, moi je crois pas. Mais moi prof de français beaucoup. Enfin, c'est toi qui parles des profs de français. Moi beaucoup les profs de français, ils m'ont vachement je pense qu'encore aujourd'hui, ça m'a motivé à faire un peu, mine de rien, le métier que je fais, quoi. Il y avait un truc un truc qui s'appelait l'expression écrite, à un moment. Ouais. J'avais des bêtes de notes et j'avais des profs qui me disaient, putain, c'est vachement bien et tout. Et ça m'a, je pense que dans le chemin, ça a mis une petite flamme quand même. Ouais. Donc sauvons nos profs. Non, mais je me permets. Non, mais alors que moi, j'avais eu l'inverse. J'avais toujours eu des bonnes notes en français. Et il y a une année, en troisième, je crois, un truc comme ça, le prof, il s'était persuadé que j'étais nul en français. Et du coup, il me mettait des notes de merde. Il avait pas vu mon génie. Il mettait plus, il cliquait plus. Attends, parce que je peux le prouver. J'aimerais trop qu'ils sortent les feuilles. Regardez, on lit le DM ensemble maintenant. Non, mais à chaque fois, tu vois, il me parlait, ça se voit qu'il pensait que j'étais teubé, quoi. Il mettait tout le temps des sales notes. Et un jour, il te saquait. Exactement. Et un jour, non, je sais plus, c'était le bac blanc. Bac blanc de français, donc anonyme. Okay. Et en gros, lui, il a sur son bureau les copies qu'il a corrigées, mais qui sont pas décachetées, donc elles sont toujours anonymes. Mmh. Et y a une élève, elle prend les copies et elle dit ça c'est l'écriture de qui ? Non, non, non. Et donc, c'est moi. Et du coup, elle distribue les feuilles comme ça. Et du coup, il fait je vais devoir vous demander du coup quelle note vous avez eue. Parce qu'il savait pas quelle note on avait eu. Et du coup, moi, j'avais eu genre 16,5, un truc bien comme sûr. Ça. Et donc, il demande les notes à tout le monde et il dit Adrien, et je dis 16,5, et il fait oui, bon, d'accord, super, t'as eu combien ? Et je dis j'ai eu 16,5. Et en fait, ce connard, il m'a mis 16,5 en pensant que c'était pas moi. Et en fait, quand il y avait pas mon nom, il mettait une bonne note, quoi. Frérot. Donc lui, tu vois, Monsieur Travers là. Oh là là. Non, non. Il est mort et enterré, c'est sûr et certain. Ça okay. Ok. Peut-être que les enfants kiffent le Floodcast. Hein? Ouais. Bah votre daron et pas tout rose. Pas grave, mais. J'ai eu la même chose, frère. Ah ouais. Ah bah, mais frère, genre même anecdote, genre prof. Non, moi c'est pire parce qu'il m'a dit non. Genre je reviens du bac et c'était bah, frère maths, j'avais 4 de moyenne, mais je savais que je savais, frère, et j'ai eu 4 de moyenne. Toi tu t'es foutu de ma gueule, bac, mais en fait non et au bac j'ai eu combien, 14 et quelques, c'est comme ça que j'ai eu mon bac. Moi j'ai eu mon bac genre 10-0-0. Mais c'est encore plus bizarre parce que français, autant d'interprétation tu peux dire machin, mais les maths, moi ils mettaient les trucs, ouais, de genre, ouais, mais... tu vois, même les points de t'as pas la bonne réponse mais t'as le bon raisonnement, normalement oui, c'est 0,5, c'est ça. Moi ils me les mettaient pas, c'est ça, parce que pardon, vas-y, et frère, et moi je lui dis et moi, genre le jour des résultats quand on récupère dans un autre lycée, il est là, monsieur, j'ai oublié, voilà. On n'est pas obligé, les amis. Pardon. Si. Non, mais il y a de la rancœur. Name dropez-moi toutes ces ordures. Il y a de la rancœur. Et genre, je lui dis. Et pareil, mais je lui dis, j'ai eu 14. Et frère, il m'a dit non. Frère, je lui dis, bah si, regardez et tout. Il regarde et tout. Et en plus, il s'est même pas remis en question. Il dit, c'est super, vous avez fait un bel effort. Et il était bienveillant, ouais. Ça m'a énervé. Ouais. Alors, préféré qu'il t'insulte. Ouais, alors ouais. Moi, il a dit, oh là là, mais c'est formidable, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Qu'est-ce je lui dis, bah, il s'est passé que tu m'as mis des sales notes toute l'année, sale con. Oh là là là là là là là. Putain. Mais allez, c'est diffamation. Il est mort. Il est mort. Gars, faut pas de buzz. Toi, Nadia, c'était quoi ta matière préférée? C'était les langues, toutes les langues, français. Okay. Je parle bien français, non? Citoyenne du monde, va. Espagnol. Pour moi, tu parles pas, tu chantes d'ailleurs. Pas ma tessiture, encore une fois, mais. Non, anglais, espagnol, français. Ouais. Voilà, j'ai eu des super profs de langue. Ouais. Madame Martinez. Oh. J'ai 17 au bac. On l'embrasse. Alors, j'ai envie de dire que c'est la prof d'espagnol? Ouais. Ouais. Absolument. Monsieur Hervé, mon prof espagnol, de français au collège. Monsieur Hervé. Ça français, ça, du coup? Français. Wow. Et Madame Martin, je me rappelle, c'était le collège, oui. Pourtant. Pareil, prof de français. Ah, okay. Ils ont vraiment des noms de leur matière, quoi. Ouais. Ah, mais ça non, Madame Martin m'a appris le mot simulacre. Oh. Je m'en heureusement souviens encore. Oh, c'est chic. Mais c'est de là que tu tiens. T'as un sens de la formule qui est très fun. C'est vrai. C'est-à-dire? Bah, toi, tes blagues, c'est beaucoup de la formule. Ouais. Y a les mots bien choisis, quoi. Bah, ouais. Bien choisis, et souvent, c'est le rythme aussi. Ouais. Tu sais, t'as dit quoi tout à l'heure? T'as dit merci, mais je préfère rester bête ou un truc comme ça, là. Et mais même dans la façon dont c'est dit et tout, c'est un humour de la formule. Peut-être que ça vient de là. Peut-être. Ouais. Peut-être y a un truc. Une sorte de slam. Finalement. T'as dit quoi? Toujours dans l'enfance, finalement. Toujours dans l'enfance. Allez, l'alarme, peut-être. Ça me va, hein. Et ben on va finir avec l'école, avec cette dernière question. Au collège Monsigny, dans le village de Frogberges, dans le Pas-de-Calais, un prof d'histoire géo a une méthode particulière pour apprendre sa matière à ses élèves. On parlait des profs qui nous inspirent. Ouais. À votre avis, quelle est sa méthode? TikTok. C'est un truc bienveillant. Alors non, pas TikTok. Il a dit. C'est un truc un peu flossé. Non. C'est pas... J'ai peur que ce soit un truc un peu ringard, genre il les fait apprendre leur truc en rap. Non. Ah oui. Mon rêve, malheureusement, mais ce n'est pas ça. Okay. Genre... Il fait répéter le cours à un élève à la fin. Et il le fait écouter aux autres élèves, genre il le dit avec ses mots. Oh et non, après... c'est plus fun que ça. Ok, c'est pardon. C'était une vraie méthode pédagogique. C'est un deux ça qui... C'est un collègue de ma femme qui fait ça. Mais ceci dit, c'est une bonne idée. Est-ce hein. que toi, oh, tu trouves ça fun ou ringard? En fait, les deux, cela dit, pourquoi pas les deux? Oui, fun et ringard, c'est un peu. C'est un peu flotteuse. Encore du merch. Non, c'est pas ringard. Moi, je trouve ça trop mignon. Parce que je me dis, ah, c'est un truc, il s'est dit, c'est un. C'est ça ringard. Va un peu motiver les élèves, mais c'est un petit peu ringard. C'est méga ringard. Non, mais tu le dis avec bienveillance, mais c'est ringard. Non, mais. Tu vois, moi, je trouve pas. C'est pas grave d'être ringard, moi, c'est ça que je veux dire. C'est pas grave. Soyez-en fiers, même. Et pardon, c'est une classe de quoi? C'est une. De 6ème. 6ème, c'est prof d'histoire géo. C'est il un se vrai déguise. Il se déguise pas. Mais c'est un vrai indice, l'histoire géo. Ah ouais? Ouais. Il les emmène sur les lieux des batailles. Alors non, il les emmène pas, ça. Il reste à la maison, mais c'est lié à des films. Non, mais on s'approche. Un truc. Jeux vidéo? Pas jeux vidéo, un truc visuel. Oh, on est plus dans l'anecdote d'avant. Il passe à la télé. Oh, non, dans Question pour un champion. Pas Question pour un champion, des mais on s'approche. C'est une émission télé. C'est une émission télé. Ah, il leur met Stéphane Bern et tout là? Comment? Il leur met genre Stéphane Bern ou pas Stéphane Bern. Cyril Ferraud. Pas Cyril Ferraud. Histoire géo. Attends, il s'appuie sur une émission. Le Big Deal? Non. Adrien, réfléchis, ça c'est pour les maths. Oui, pardon. Voilà. TPMP. Aïe, aïe, aïe. Histoire. Pour l'histoire, ça marche. C'est bien, ouais. Alors, c'était pas TPMP. J'aime trop, là. Il dit, mais non, mais vous le savez, il l'a dit, Julien Audoul. J'aimerais trop, voilà, ils leur disent ça aux enfants. Mais c'est très connu, c'est sûr qu'on. Ah oui, oui, c'est culte. Donc c'est une émission télé, et c'est son support pédagogique, quoi. Exactement. Wow. Qui est toujours diffusé ou il. Qui est toujours diffusé. Mmh. Ouais, sinon, ah, il va chercher des replays. Secret d'histoire ou un truc comme ça, là. Pas secret d'histoire. Est-ce que c'est une émission. Ouais, c'est pas une émission d'histoire. Une émission de géo. Ça passe à la télé, mais c'est pas une émission d'histoire. C'est des dessins animés. Non. Pas des dessins animés. C'est une émission de divertissement. Pur. Comme TPMP, par exemple. Alors, pas comme TPMP, t'as dit quoi? In the Boîte. Tu connais pas In the Boîte? C'est quoi des Alors là, t'as raté un truc là. In the Boîte, l'émission sur Gulli là. Ah oui, les enfants là. Et après, ils le mettent dans le noir là. Enfin, dit comme ça, c'est bizarre. Mais ouais, c'est ça, ça a l'air de Guantanamo, tel que tu l'as décrit. Mais... Oui, c'est bon, je vois ce que c'est In the Boîte. Oui. Mais, In the Boîte, j'avais vu un extrait où ils reçoivent la team BS. Et tu vois, et tu. Team BS, je vous rappelle, le groupe de la fouine, etc. Et l'animateur. Fais le rappeur pendant toute l'émission. C'est un plaisir. Là, c'est ringard. Ah, mais c'est un bonheur. C'est vraiment genre. C'est vraiment... Et on reçoit yo yo yo la team BS. La team BS. Alors, toi, t'aimes alors, le rap, la fouine. Alors, ça y va. Alors, toi, t'aimes le rap, la fouine. T'aimes le rap, la fouine. Vraiment, c'est une très bonne émission. C'est un jeu télé. C'est un jeu télé. Fort Boyard. On y est presque. C'est pas Fort Boyard. J'aurais adoré, putain. Mais attends, même délire un peu que Fort Boyard. Ah, bah là, on est. Oui. Koh-Lanta. Quel rapport? Alors tu vas voir. Ouais, parce que là c'est. Il se base sur l'épisode de Koh-Lanta de la semaine. Chaque semaine, les élèves du 6ème du collège débattent autour de l'émission sous la houlette de leur prof d'histoire géo. Ouais, en fait, le but, ils apprennent rien. C'est là où je me dis en fait. Ouais, c'est un peu original, mais ils apprennent rien. Sauf si c'est de l'histoire très court-termiste. On parle juste. C'est la meilleure. Comme disait Moundir hier. Tiens ta femme. Tiens ta femme. Femme ou pas femme, je les casse en deux. Non, en fait, c'est surtout la géo. Enfin, tu vois, il fait l'éducation civique et la géo. Il peut faire les deux. Okay. Ah, pas l'histoire donc. Plutôt non. Ok. La géo, du coup, c'est assez limité quand même. Je vais te raconter. Faire apprendre aux enfants des notions du programme d'histoire géo et d'éducation civique tout en visionnant des extraits de l'émission d'aventure, par exemple. Éducation civique, en revanche, de fou. Exactement. Parce que les dynamiques les sociales, trahisons, et tout. Tout okay, ça. Trop bien. Par exemple, cette semaine, le thème étudié était les tempêtes. Olivier diffuse un extrait dans lequel on voit les aventuriers réfugiés dans leur cabane pour se protéger des intempéries. Ensuite, il montre les images prises par satellite, du passage du typhon sur les Philippines. En fait, c'est un point d'entrée. Il fait pas analyser l'émission. Oui, voilà, j'ai l'impression. Moi, je me suis dit, oh, tempête, oh, ça tombe trop bien, une tempête dans Koh-Lanta. Non, il regardait Koh-Lanta, il a dit tempête, je l'ai. Et il a fait le court retour, quoi. Exactement. C'est ok, mais c'est fort. Hein. Pour Olivier, c'est positif. La preuve en est avec l'expérience qu'il avait déjà tenté avec ses 6e il y a 3 ans en s'appuyant sur l'émission Pékin Express. Oh. Cette année, les élèves de Pékin Express sont en 3e, et bien, ils m'en parlent encore. On a vu tel pays, on a vu telle situation. Donc, 3 ans plus tard, de l'expérience avec Pékin Express, on a entre guillemets un retour avec Koh-Lanta. Outre le suivi des épisodes, et c'est là où pour moi il me perd un peu malheureusement, le professeur espère bientôt organiser un Koh-Lanta dans la cour d'école avec, il l'espère, Denis Brognard pour venir juger l'épreuve des poteaux. Parce que oui, pour bon. Pékin Express, c'est touchy, ça se passe pas à Pékin, donc pour un prof d'histoire géo, ouais. c'est peut-être justement première leçon quoi. Ouais. Bah, c'est pas à Pékin. Non, mais la géo, c'est, je pense qu'il y a GeoGuessr qui a dû beaucoup aider les gamins sur la géographie et tout. Tu vois ce que c'est, GeoGuessr? Oui. Ouais, c'est ce jeu où tu dois placer des villes partout. T'sais, tu vois une photo, tu vois, toi, Myron, ce que c'est? C'est en gros, tu montres une image d'une ville. Tu sais pas ce que c'est? Pas de Google Street View, de quoi. De Google Street View. C'est les gars qui sont posés à un point dans le live là. Exactement. Et ils regardent de quel c'est, de ce côté. Donc ok, c'est écrit comment? L'ombre est à gauche, les pointillés sont à 40 cm d'écart sur la ligne. Donc je suis ça à Besançon. Ouais. Mais moi je les regarde comme ça, je dis pourquoi t'es sur Twitch et pas au FBI en fait. Ouais. Mais c'est vraiment, c'est bah, surtout quand c'est les gars maintenant, les champions du monde, ils font ça en un quart de seconde. C'est fou. Si on leur met l'image en un quart de seconde, ça j'arrive pas à comprendre. Ok, c'est ici et ils se trompent de 20 km quoi. Moi je suis d'accord avec toi. Pour moi, normalement, le FBI il les appelle, excusez-moi monsieur. Arrêtez. On vous a vu. T'es dispo quand? Dis-moi t'es dispo quand et on s'arrange. C'est quoi votre émission préférée à télé? Je sais que Nadia t'es très téloche. Très paf. Très paf. Mais t'es une gosse du paf. Ouais, ouais c'est ça. Pour la télé, ouais. Alors je regarde plus beaucoup, mais j'aime bien l'univers. Ouais. T'as une grosse culture parce que t'arrives souvent à rebondir avec des extraits de télé-réalité. Il y a une grosse culture télé-réalité. Alors moi c'était beaucoup les anges de la télé-réalité. Ouais. Je m'identifie aujourd'hui comme ange anonyme. C'était la personne qui n'était pas encore une star de la télé-réalité qui venait s'intégrer au groupe. Qui est devenu ange anonyme, qui est devenu star? Pas beaucoup finalement. Ouais, j'ai l'impression. C'est un milieu très hermétique. La télé-réalité. Le ruissellement de. Très élitiste. Je sais pas comment on est. Mais j'avais l'impression qu'ils étaient. Mais en vrai, moi j'ai regardé un petit peu. J'ai l'impression qu'ils étaient quand même mal vus, hein, ces anges anonymes. Ils se mélangeaient pas bien au groupe. Non, il y avait vraiment une. Ils étaient un peu. Tu vois, un petit peu à part. Tu seras jamais des nôtres en fait. T'auras jamais ton partenariat High Smile et tout. Genre. Non. Et beaucoup, ouais, j'étais un peu télé-réalité, un peu moins là, mais très. Oui. Mais il y en a encore beaucoup de latéralité, je me rends pas compte. Ouais, quand même, ouais, sur W9 et tout, pas mal. Hein. Ah oui, c'est vrai. Les genre les aventuriers, enfin, il y a tout un écosystème de. T'as fait une première télé-réalité, du coup, t'en as plein d'autres qui te chopent derrière pour continuer, machin. Ouais. Et là, dernièrement, j'ai regardé L'île de la Tentation. Ah oui, les nouveaux. Très les... marrant quand même. C'est bien. Et ouais, t'as regardé à l'époque ou pas? J'ai regardé à l'époque les, ouais, les toutes premières éditions. C'était légendaire quand même. Et est-ce que tu sens que c'est genre. Pire, pas pire, mais il y a une évolution quand même dans, ouais. Ils vont plus loin ou non, je trouve que c'est un peu moins sincère parce que maintenant il y a une industrie, il y a une économie autour de ça et tu dis est-ce qu'ils sont vraiment là pour avoir la bonne séquence ou est-ce qu'ils sont vraiment là pour récupérer leur femme, tu vois. Bah oui, moi je me souviens de ça, moi je regardais L'île de la Tentation à l'époque, ouais. Et ouh. J'avais ce truc, je me souviens d'un gars qui avait pris un bateau pour aller chercher sa femme. C'était, vraiment. Comment il s'appelait, je sais plus comment il s'appelait. La femme c'était Diana. Oui, et bien c'était Brendan. Brendan et Diana. Déjà, ça promet. Wow. Ah ouais. J'ai pas du tout de petits progrès. Bah oui. Mais il y avait l'extrait là qui tourne à fond là sur. Montoya. C'était... Ouais, c'est quoi ça? C'est la version espagnole de L'île de la Tentation. Incroyable, le mec qui crie. Qui en fait, c'est une île. Du coup, t'as les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Et lui, il a pété un plomb parce que en gros, c'était le feu de camp. Je sais plus comment ça s'appelle. Ok. Bref, t'as un feu et tu vois les images de ta compagne. Est-ce qu'elle te trompe ou pas de l'autre côté de l'île? Et Montoya est tombé sur des images très graphiques, ouais, de sa femme qui était en train de se faire la culbuter, quoi. Et c'était très drôle parce que c'était très cinématographique, parce qu'à mesure que les coups de rein accéléraient, lui courait de plus en plus vite, tu vois, et il voulait récupérer sa petite femme. Horrible, elle est horrible. Mais c'est en live les images, ou... Ah oui, donc. Non. C'était trop tard. C'est monté. Courait trop tard. Oui. Non, je veux dire les images. Lui, ça montait en pression, tu vois. Génie du montage. Oui. Non, mais je parle de l'image que lui voyait. Oui, mais lui voyait ça, mais c'est juste lui qui montait en pression, okay, mais c'était pas du live. Ok, d'accord. Okay. Non, c'est un génie du montage. C'est le monteur d'Oppenheimer qui a créé ça. Qui a bossé sur cette séquence. Il a tenu à la gorge. Non, mais ça, moi, j'avais vu ça sur Twitter, là. Ça avait l'air fou. Après, c'est plus sulfureux la version espagnole que la version française. C'est ça que j'ai entendu. C'est caliente, quoi. Mais parce que la version française passe à 18h maintenant. Parce que moi, L'île de la Tentation, quand j'étais gosse, je regardais ça quand j'étais gosse, c'était à 23h, 23h30. Donc c'était un peu. Ah ouais, permets-moi de te dire. C'est plus soft. Olé, olé. Ouais, ouais. C'est plus soft en France. C'est plus soft. Tu peux mettre tes enfants devant tranquille. Non, c'est pas vrai. Mais, tu dois mettre tes enfants devant. Tu peux mettre tes enfants. Moi, je conseille. Bah, si t'es prof d'histoire, tu peux l'utiliser comme base. Ah, vous voyez, Montoya. Il court. Une émission préférée, Merwan, à la télé. Et je regarde. Pas forcément récente, hein, ça peut être de l'enfance aussi. Oh, ça peut être de l'enfance et tout. Attends, ben là, tu me prends de court. Mais ça peut être aussi récent. Mais ok, donc là, tu me prends de court. Mais super long. Non, mais en vrai, moi, je regarde que le foot et Koh-Lanta. D'accord. Et pour moi et Koh-Lanta, tu vois, l'année dernière, genre Koh-Lanta, genre j'étais vraiment à fond. Mais aussi, je me suis trop identifié là. Il y avait un petit rebeu de Saint-Denis, j'étais avec lui à 100%. Yes. Moi, je suis un. Ouais. Mmh. Ouais, non, c'est un petit rebeu du 93, c'est pas un mec de Saint-Denis. Moi, je suis de Saint-Denis, j'étais avec lui à fond, quoi. Ouais. J'étais 100% derrière lui, il était là, il était ingénieur, je le regardais musclé, je me disais, c'est la version de moi que mes parents auraient voulu. Je suis avec toi à 2000%, frère. On a besoin de représentation. Ouais, de ce genre-là, là. Le rôle modèle, ouais. Ouais, ouais. Et il a gagné? Il est allé au poteau. Ah, pas il est allé au poteau. Il a perdu au poteau. Et il y avait le choix entre lui et un homme blanc, et elle a choisi l'homme blanc. Pour partager, là. Comme quoi, ça finit toujours pareil, hein, au final, là. C'est pour le coup. T'as la méritocratie, ça marche pas tout le temps. Non, ouais. Mais moi, c'est ce qui m'agace un peu dans Koh-Lanta. C'est-à-dire que moi, j'aimerais un Koh-Lanta où c'est les meilleurs qui gagnent. Moi, je suis d'accord. Parce que c'est toujours ce truc où si t'es trop bon, et eh ben il te saute parce que t'es trop non, bon. Non, mais lui, justement, bah, lui, il était super fort. Et genre, à partir de la réunification, il gagne, je crois, 5-6 épreuves d'immunité. Ouais. Donc, ils peuvent pas le sortir. Oui, il a un, ouais, mais du coup, t'as pas le choix, tu vas vraiment être au. Ouais. Ils y arrivent pas, quoi. Et du coup, ils sortent les autres et tout, là. Mais lui, ils arrivent pas à le sortir parce qu'il est trop fort, quoi. C'est pour ça que j'arrive pas à mater Koh-Lanta, moi. Les trucs de trahison et tout, ça m'énerve vraiment. Ah, je vois des idiots, des fois, à dire faut virer lui et tout. Et je fais, mais ça me. Vraiment, mais ça c'est m'agace. Ce qui marche, c'est ce j'adore, bien sûr. Voilà, le drama, quoi. Mais tu vois, les épreuves et tout, quoi. Là, cette semaine, là, il y a une meuf, en gros, il y a une meuf qui ne fait rien. C'est-à-dire, elle dort toute la journée, quoi. Elle en a rien à cirer. On dirait un manager toxique, bizarre, c'est très grave. Non, mais gros, quand je te dis, elle fait rien. Elle fait grasse mat tous les jours. Elle fait aucune tâche sur le coin et tout, hein. Parce que elle a un collier et elle s'en fout, en fait. Et personne ne sait qu'elle a un collier. Mais le collier, il te protège combien de temps? Quand tu l'utilises. Et elle a un robot aussi avec un bras qui fait tout à sa place. Okay. Et genre là, du coup, c'est genre, elle s'appelle Andrea. Et genre, il y a eu, je crois qu'ils sont. Allez, ils sont une quinzaine, quoi. Et je crois qu'il y a eu 13 votes Andrea. Et elle a sorti son collier. Et c'est un autre gars qui a eu 2 votes qui est sorti. Oh là là, ça c'est dur. Ouais. J'aime un peu. J'ai regardé, ça m'a diverti. Hein. Et ça attends, m'a diverti. Au moment, parce que moi j'ai jamais regardé, au moment où les gens votent, ils savent pas qu'elle a un collier. C'est ça, en gros, ils votent. Non, ils votent, tout le monde vote. Le coup de poker, et tu sais, en plus, ils en parlaient juste avant. Ils disaient, ouais, donc toi, genre Denis, tu sais, il aime bien mettre un peu de zbeul pendant que les discussions avant le conseil, là, avant les votes, je veux dire. Il dit, vous comptez rien faire, quoi. Il dit, oh, si on me laisse ma chance, moi, j'aimerais bien changer d'attitude, etc. et tout. Et puis, ils votent tous contre elle, ils en ont rien à cirer, frère. Et vraiment, tu vois, elle sort son collier, et à chaque fois que son blaze y sort, le petit sourire, il est de plus en plus grand, quoi. Vraiment, ouais. Mais par contre, ils sont un peu cons, parce que quelqu'un qui fout vraiment rien, c'est sûr qu'il a le truc d'immunité, quoi. Non, pas forcément, il y a des tempéraments. Vraiment, si tu fous rien. En fait, faut se dire, c'est dur psychologiquement. Et là, ils n'osent pas abandonner. Ouais. Donc, ils essaient de se faire éliminer. Ça arrive souvent. Moralement, c'est dur. Hein. Ok. Et moi, surtout, ce qui m'avait marqué, c'est cette finale en queue de poisson terrible où ils avaient triché, où ils avaient récupéré de la bouffe. Ah oui. C'était un fou. Je sais pas si vous vous souvenez. Il y avait un final de Koh-Lanta. Et en gros, ils avaient vu des villageois pas loin et ils avaient eu de la bouffe. Et ça avait été sorti. Et donc, juste avant la finale, quoi. Et à la finale, t'avais Denis qui fait voilà, il y a le vote et tout, mais personne gagnera parce que vous avez triché quoi. Ouais. Et vraiment, c'est non, genre. Le village est hôtel, hôtel à côté. Et les gars de l'hôtel leur ramenaient discrètement, ils leur posaient des fruits dans la forêt. Comment ils tout, ont quoi. Pas vu, ils sont suivis tout le temps Pas tout le temps. Il y a des moments où tu peux vesquiller tous les caméras. Il y a ça, et il y a Teiora carrément. Teiora, c'était son île quoi. Ouais. Il était alors chez lui. Teiora était très fort, il aurait pas. Il avait pas besoin. Il avait pas besoin. Il a triché lui. Il aurait pu ne pas tricher. Oui, mais c'était son île quoi. Sa cousine qui passe sur un. Comment s'appelle. Il y avait vraiment sa famille. Oui. Sa famille lui ont ramené des trucs quoi. J'aurais fait pareil. Et du coup, ils avaient filé toute la thune à une asso d'un candidat qui était décédé entre temps. Oui, voilà. Et du coup, ils avaient tout filé à l'asso. Parce qu'il avait pas triché. Donc au final. C'est dur. Chers amis, ça fait 1h40 qu'on parle. On va passer aux recommandations culturelles. Okay. S'il y a des trucs que vous avez kiffé récemment, ça peut être ciné, télé, musique, théâtre, bouquin, peu importe en fait. Même compte YouTube, Insta, peu importe. Adrien, j'ai envie de commencer par toi. Écoute, je régale moi, j'ai une serviette nouée autour de mon cou. Elle est à carreaux, motif Vichy. Non, écoute, pour être original, je vais encore recommander un jeu vidéo. Ça, l'eau. C'est un jeu vidéo, ça fait longtemps que je l'ai et je n'osais pas m'y mettre. Enfin, j'ai essayé plusieurs fois de m'y mettre et en fait, à chaque fois, je mourais au bout de 10 minutes et ça m'a vraiment découragé. Et là, enfin, comme j'étais un peu malade ce week-end, je me suis dit. Enfin, j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo parce que j'avais pas grand chose d'autre à foutre. C'est un jeu qui s'appelle Project Zomboid. Oh ouais. Tu connais? Oui, c'est bien. Et c'est vraiment c'est un jeu de survie, mais vraiment survie quoi. C'est-à-dire, en fait, tu es la seule personne vivante dans une ville qui est envahie par les zombies. Et c'est vu genre un peu du dessus et tout. C'est pas un FPS, c'est pas de la 3D et tout. Et donc vraiment, tu dois essayer de te déplacer discrètement, te faufiler dans les maisons abandonnées et fouiller pour trouver un peu à bouffer, machin, trouver des bouquins, tu lis pour augmenter tes. Enfin, c'est vraiment de la survie, mais. Et en même temps, le côté. Enfin, c'est un peu des bâtards parce que le côté horreur est très bien géré, c'est-à-dire que parfois, t'es dans une maison, tu te dis, bon, bah, ça va, c'est tranquille et tout, et t'ouvres une porte. Et là, derrière la porte, il y a un zombie et ils te mettent un ring. Vraiment, ils font des effets vraiment de trucs. Et vraiment, c'est tout est aléatoire, quoi. Il y a vraiment pas de donc tu sais jamais. Tu peux pas refaire le jeu et te dire ouais là, je sais que derrière cette porte il y a un zombie parce qu'en fait, dès que tu recommences une partie, c'est les cartes sont rebattues, quoi. Donc t'es toujours sur le qui-vive. Et en fait, moi, j'avais pas vraiment réussi à me mettre dedans parce que je le trouvais trop dur. Je me trouvais trop nul en tout cas. Et en fait. Mon salut a été que tu peux vraiment faire une partie où tu décides vraiment les paramètres. Donc tu peux dire par exemple que les zombies, c'est pas des zombies qui courent vite mais qui courent un peu plus lentement. Tu peux dire qu'ils respawnent pas les zombies. Ouais. Donc en fait quand t'en tues un, tu sais qu'il y en a un de moins pour toujours. Etc. Et du coup j'ai un peu ajusté les paramètres pour donc c'est toujours dur mais au moins je peux jouer sans mourir au bout de 5 minutes et vraiment me sentir mal. et du coup là j'ai joué à ça et là j'ai une partie qui dure un peu, je suis content. T'es à combien de jours? Je sais plus, j'avoue. Okay. Mais s'il y a des gens qui veulent découvrir et tout et qui pourront jamais y jouer ou qui ont pas le courage et tout, moi j'ai jamais joué mais je regarde à fond le streamer I Kill You. le Canadien Nabil, et lui justement c'est sur YouTube, il y a des let's play et tout un peu, et en plus il a une vibe un peu c'est facile de l'écouter parler, expliquer les trucs et tout, il parle vraiment dans un français très correct, oui, un peu une vibe Samuel Etienne un peu je ouais, ouais, ouais Nabil ouais, ouais, c'est un peu notre Samuel Etienne d'Algérie là, mais c'est un gars de Montréal et il y joue au jeu et il explique tous les trucs étape par étape, ce qu'il fait, pourquoi, comment et tout, et moi qui ai jamais joué et qui jouera jamais parce que ça a l'air trop dur, en vrai bah, moi c'est comme ça que j'ai découvert le truc, et c'est s'il y a des gens voilà qui veulent ça, c'est le meilleur moyen de, je pense c'est un des meilleurs moyens en tout cas francophone de capter le délire et tout, et c'est divertissant bien. En plus de oui, je suis sûr qu'à regarder c'est bien, il y a des jeux tout, moi genre. Des fois je comprends pas oui. mais ça il y a comme il y a un côté vraiment suspense, c'est un film d'horreur quoi, il y a un suspense, c'est ce que tu vas tenir et tout, parce que c'est ce que, une morsure c'est fini, la partie est finie, tu recommences à zéro et c'est tu meurs, il y a pas de sauvegarde, c'est fini quoi. Et mais du coup c'est ça qui... ouais mais ça te met une vraie tension quoi. Et vraiment bah en fait tout ce qui est cool c'est vraiment le côté les événements sont aléatoires, et des fois tu peux te dire j'ai tout bien géré et tout, et tu fais une erreur ou tu sais même des fois t'es dans ta maison, tu dis ok cool, et en fait t'ouvres la porte comme un con, et en fait il y a 5 zombies devant la porte, et tu te dis merde putain j'ai pas fait gaffe et tout, et c'est terrible, c'est terrible, mais lui il est dans bon une jeu, mécanique quoi. Lui est dans une mécanique à chaque fois de quand il rentre dans une maison, d'abord il clean tout, ensuite il vide tous les placards, et s'il va dormir il ferme toutes les portes une par une, ensuite il ferme la porte, faut fermer les rideaux aussi, les rideaux, et ensuite quand il se met à dormir, si la porte s'ouvre dans un sens il se met du côté, il se met à dormir soit assis contre la porte ou un truc comme ça et tout, il est zinzin quoi. Oui, parce que tu sais, il y a un truc de si t'es dans la maison mais qu'il y a un zombie qui passe, il te voit par la fenêtre, le zombie, et donc du coup il se colle à la vitre, il commence à taper, donc t'as vraiment les bruits de c'est la main qui frotte et tout, et au bout d'un moment il pète la vitre, il rentre, et il faut dormir, donc il y a des trucs d'urgence, il faut dormir, faut manger, il y a tout pas mal. Faut faire, tu peux faire du sport pour te maintenir en forme et tout, enfin il y a trop de paramètres, mais c'est cool à jouer quand t'as rien d'autre à faire, en tout cas tu te fais une journée où tu joues à ça, c'est trop bien. Très bien. Nadia. Reco, Louis Catlin, stand-upper. Il est en tournée en ce moment, donc vérifiez s'il passe pas à côté de chez vous. Très très marrant, vraiment je l'adore. C-A-D-T-E-L-A-T. Exactement, bien joué. Je vois qu'il est au Théâtre du Marais les jeudis à 21h apparemment. Et il va être je crois qu'il est déjà en tournée, donc j'ai pas toutes les dates exactes, mais ça se trouve sur sa page Instagram. Trop bien. Ciné, allez voir Fanon. Ok, voilà. Il paraît que c'est très bien. Parce qu'il a été très peu distribué au départ et finalement il est en train de cartonner. Du coup, je pense qu'il va être un peu plus dispo dans plus de salles. Ouais, je le vois pas mal partagé sur Insta. C'est cool, il y a des acteurs et un peu connus qui font la promo. Ça a l'air grave cool. Est-ce que tu sais ce que ça raconte, juste pour que les gens voient à peu près. J'ai pas encore vu, mais il me semble que c'est les années algériennes de Fanon où il dénonce vraiment la colonisation française. Fanon qui était un psychiatre. Exactement. Et c'est hyper intéressant d'avoir cet angle-là, en tout cas ce pendant de sa vie. Parce que c'est la guerre d'Algérie, et c'est vrai que pour le coup, la guerre d'Algérie est très peu traitée au cinéma, quasi jamais. Parce qu'il y a jamais, il rentre même dans les cours d'histoire, à chaque fois, il trouve pas d'épisode de Koh-Lanta qui match. Ça fait longtemps qu'il cherche un épisode de Koh-Lanta, il va le trouver, j'espère. Et pour le coup, il rentre dans des détails que parfois pas mal de gens, enfin, on savait pas trop ce qui se passait exactement d'un point de vue très. C'est assez atroce, les détails de la guerre d'Algérie. Bien sûr. Et du coup, ça revient sur ça. Et en dernier, une créatrice de contenu, Linda Acro Makeup. Ok. Alors, femme libre au demeurant. vraiment hilarante, je l'adore, pragmatique et belle. Okay. Voilà. Attends, tu redis le nom? Linda Acro Makeup. Ok, d'accord, c'est ce que j'avais. Non, mais j'aime bien. C'est... Ouais. Elle est active sur YouTube et TikTok en ce moment, donc je recommande. Très bien, sublime. Merwan. Alors, moi, ça va être vraiment stand-up pour le coup. Il y a deux trucs qui sont intéressants. Il y a un truc qui est que s'il y a des gens de Strasbourg qui écoutent, il y a le Théâtre National de Strasbourg qui fait une semaine de stand-up, une semaine qui s'appelle genre Comedy Club. Et en gros, pourquoi c'est ultra important? Parce que c'est la première fois qu'un théâtre public fait du stand-up. Ah, donc c'est une grosse prise de risque et tout pour eux, donc si vous êtes de Strasbourg et que vous avez envie d'encourager cette prise de risque et montrer que le stand-up c'est pas si marginal que ça et qu'il y a des gens qui ont envie d'aller voir, allez-y. Et devinez qui joue au TNS? Et pour rester dans le stand-up, du coup allez voir ça, les gens de Strasbourg, et en plus c'est un beau théâtre et tout, donc si vous avez jamais eu l'occasion d'aller voir une pièce là-bas, pour le coup allez voir du stand-up. Il y a même des plateaux de stand-up, un plateau purement strasbourgeois qui s'appelle Le Plateau, P-L-A-T-O. Entre autres, et des spectacles aussi, Laura Domange, Panas et Complet, Panayotis Pasco. Ouais. Il y a aussi le Madame Sarfati, un comédie club de Paris, ouais, qui va faire deux plateaux là-bas, et moi. Et il y a aussi un spectacle de stand-up, si vous êtes chez vous, qui est sur Netflix, je crois, qui est celui de John Mulaney. Je ne sais pas si vous connaissez John Mulaney. Bien sûr, fan. Et moi, mon spectacle, d'habitude, avant, j'aimais bien regarder plusieurs fois celui de Bo Burnham, là. Ouais. Make Happy, ouais, là, sûr, je l'aimais vraiment beaucoup, et il y en a un qui m'avait pas fait de claque comme ça, dans l'humilité et il était vraiment honnête, ce spectacle, c'est Baby G, oui, de John Mulaney, où il revient après de réhab, ouais. Ouais, il revient de réhab et tout, et il parle de quand il était accro, etc. Et tout, et il y a un moment, vraiment regardez-le, la fin, c'est lui qui relit une interview de lui où il était complètement coqué. C'est incroyable. Genre vraiment le moment où il parle de ça, où le gars, je sais plus c'est quel magazine, c'est un magazine ultra sérieux, Tout. Et le gars lui dit, vous avez l'air d'avoir beaucoup de projets en ce moment parce qu'il arrête pas de parler vu qu'il est coquet et tout. Ouais. Et il dit, et c'est quoi vos futurs projets? Et il répond un truc de parano, genre, si vous entendez des bruits de mastication, c'est normal, je suis en train de manger des Froot Loops. Et genre ça là, c'est le vrai dialogue entre lui et le gars du truc. Et donc ce spectacle là de John Mulaney, il est super. Et si vous avez jamais vu Bo Burnham Make Happy, faites-le, même si je suis sûr qu'il y a déjà quelqu'un qui l'a reco ici. Ouais. Vraiment, ce spectacle-là, il est vraiment, vraiment, vraiment bien. Bo Burnham, Make Happy, John Mulaney, Baby G. Mais John Mulaney, il y a tout qui est bien. Moi, ce que j'adore chez John Mulaney, c'est que c'est ce mélange de... Il parle de lui, et aussi, il a des blagues d'observation très... pas basiques, mais enfin... T'es ce fameux truc de... Mais évidemment, pourquoi l'image, j'y ai jamais pensé. L'image du gâteau d'anniversaire. Ouais. Incroyable. Ouais, ça, où, il dit où il dit un anniversaire, organiser une fête, et même la vie, c'est comme écrire joyeux anniversaire sur un gâteau d'anniversaire. Sur au une début, banderole. C'est sur une banderole. Ouais, sur une banderole. Où il dit au début, t'es plein d'enthousiasme et tu fais un énorme... En français, du coup, un énorme J. Oui, et après, tu dis, OK, il va falloir faire un O un peu plus petit si on veut que ça rentre. Et tu te finis par... Ça finit par Anif, finalement. Donc, ouais, cette image-là, elle marche fort. Et il a plein de trucs comme ça. Il avait un truc qui m'avait fait beaucoup rire aussi. Il trouvait ça fou au restaurant. Tu choisis en accompagnement salade ou frites. Vraiment, tu peux pas faire plus éloigné, et vraiment un truc délicieux et horrible pour ton corps, ou un truc immonde mais délicieux. Enfin, bref, c'est très très marrant. John Mulaney. Et John Mulaney qui est sur Netflix en ce moment, un late show. Alors que Netflix France, en direct, une fois par semaine, le Netflix France le promeut zéro, parce que je pense que ça ferait zéro audience en France. C'est même pas sous-titré en français. Donc c'est voyant à quel point Netflix France s'en fout un peu. Mais c'est dessus. Donc si vous voulez mater, il a un late show où il reçoit des invités. Il aime bien mélanger quelqu'un de spécialiste vraiment dans un domaine précis et un guest connu. Donc pas nous en fait, pour les premiers. Non, et il parle du sujet du mec ou de la meuf spécialisée, mais avec un guest connu qui rebondit dessus. Et genre le premier épisode de cette saison, c'est prêter de l'argent, le sujet. Non, et ouais, donc t'as une spécialiste. Toujours pas nous. Et donc, on sera là pour emprunter, en tout cas. On sera là pour emprunter. Et donc t'as une meuf spécialisée dans les trucs sociaux, etc. Et Michael Keaton. Et donc et le mélange est très... Ok. Voilà. Et du coup, il fait aussi des monologues autour. Donc non, c'est assez marrant. C'est un peu bordélique, mais ça rend le truc attachant. Et parce que tu sens qu'il est pas ultra à l'aise. Et ça, moi, j'ai trouvé ça assez cool. Donc bah voilà, ça peut être Marocco déjà. Et l'autre Rocco, alors ça sort dans pas tout de suite, mais j'ai eu la chance de voir la série Astérix de Chabat, Le combat des chefs. Et c'est sans aucune surprise génial. C'est vraiment très marrant. J'étais invité à une projo, j'ai gardé ma petite, donc je fais ouais, je peux ramener ma petite. Et bah c'est tous les épisodes, donc ça durait 2h30, je fais donc je vais peut-être me barrer pendant, est-ce que c'est grave et tout. Ils me font non, pas de problème. Et ma fille n'a pas voulu bouger du siège, elle était c'est 2h30 au ciné, donc putain, déjà je suis un mauvais père, ça, c'est quelque chose que je partage au monde. Et non, et elle a adoré, elle était on a adoré. Et c'est hilarant, c'est tout l'humour de Chabat avec l'humour de Goscinny mélangé. Et en même temps, c'est pas l'absurde de Mission Cléopâtre, parce que c'est un dessin animé. Et c'est vraiment pour toute la famille. Je pense que, enfin, ma petite, elle a 3 ans, elle est vraiment petite, mais elle était elle a eu peur pour les personnages, elle était à fond. Le premier épisode, c'est génial parce que c'est sur eux enfants. Donc le premier épisode, c'est que l'enfance d'Astérix Obélix, et après t'as l'aventure qui se lance un peu. C'est ouf parce que personne ça a jamais été fait, je crois. Bah si, t'avais un livre de Goscinny qui était non, mais le livre c'était comment Obélix est tombé dans la marmite quand il était petit. Ça Uderzo et Goscinny l'avaient fait mais pas en BD. Il est tombé comme Merwan quand il a eu son genou pendant la prière. Obélix est tombé pendant la prière. Il faisait salade, l'enfant que j'ai, il faisait salade. Et voilà. Et bon, le casting n'a aucun sens, puisque c'est donc Chabat fait Astérix, Gilles Lelouch fait Obélix, et t'as Pio Marmaille, Géraldine Nakache, Jérôme Génial. Commander, Laurent Lafitte. Et l'animation est folle, franchement, ça met une petite On compare toujours aux Américains, mais là vraiment c'est en animation c'est extrêmement impressionnant. Là, en France on est vraiment très, on est très fort. Et là il l'a fait avec ses potes Shabba, parce que c'est coécrit par Benoît Houillon et Piano. Pierre Alain Bloch, ouais, voilà. Trop drôle. Donc, et c'est vraiment bien. Il y a un petit côté Spider-Verse ou Tortue Ninja quand Asterix donne un coup, il y a écrit le BAM à l'image et tout. Ouais, enfin, voilà. Ouais. Et franchement, c'est très, très, très marrant. Et je vous le conseille. Ça sort le 30 avril sur Netflix. Trop bien. Et voilà, Le Combat des Chefs adapté de la BD, qui est une des meilleures en plus BD d'Astérix. Le Combat des Chefs. J'ai hâte. Et non, et il y a des vrais trucs de scénario qui m'ont chopé de. Mais là, je vois pas comment ils s'en sortent. Tu vois, okay. Un vrai truc où tu dis, ben là, vraiment, je suis happé par l'histoire, quoi. Donc, non seulement c'est drôle, mais en plus, l'histoire est géniale, l'animation est folle. C'est une pépite, je trouve, vraiment. C'est un des meilleurs trucs que j'ai vu en animation récente. Et trop bien. Je suis trop content que ce soit et sur Astérix et avec Alain Chabat. Donc, voilà. Ouais. Le Combat des Chefs sur Netflix. Voilà. Merci tout le monde, en tout cas, merci. Pour cet épisode. C'était trop cool. Merci. Dernier petit tour. Merwan. Sur scène, on ouais, se retrouve. Il y a pas mal de dates, je les ai dit en début d'émission, mais il y a Pau, il y a Dax. Y a, et puis tu fais un petit écart au Canada. Ouais, Canada, Montréal c'est complet, mais il reste des places à Québec, la ville Québec. Et on m'a dit, est-ce que t'es sûr de vouloir aller à Québec? C'est vraiment une ville. On sait pas si tu seras le bienvenu là-bas et tout, mais moi je suis sûr que je peux être le bienvenu là-bas. Donc s'il y a des Ils sont Québécois. Racistes, hélas. J'ai pas osé le dire au micro. Mais... on avait tous compris, je crois. Non, ils m'ont dit fais gaffe et tout. Genre vraiment, il y a des gens de Québec qui m'ont écrit en mode fais gaffe quoi. Donc, Donc moi je serai à Québec s'il y a des Québécois qui veulent me rassurer. Inch'Allah. Ouais. Non, mais je crois qu'on a déjà vendu un peu de place et il reste un peu de place à Québec. Mais ouais, pour le coup, si ouais, c'est ça, Strasbourg, j'ai du Lyon, j'ai du Dax, j'ai du Pau. Ouais. Je crois que c'est cool comme ville en plus. Ouais. Donc même s'il y a personne, ça sera cool d'y aller. bientôt de retour à Paris, mais du stand-up surtout. Trop bien. Nadia, tu nies Hilton sur les réseaux, toujours. Ouais, toujours. Des fois, t'es aussi un peu en guise dans des podcasts. J'étais entendu des fois dans le millième tour millième de Julien tour, Pagnac. Et j'ai Pierre Lapin aussi. J'ai Pierre Lapin aussi, l'équipe. Donc, et voilà. J'ai aussi mon propre podcast. Mais oui. Voilà. Comment ça s'appelle Si c'est vrai, c'est très grave. Voilà. Exactement. Très bon titre. Très bon titre. Encore le sens de la formule. Bien sûr. Si c'est vrai, c'est très grave. C'est tous les combien à peu près? On n'a pas de régularité spécifique, mais. Une fois tous les deux mois, je dirais. C'est ça, d'accord. Voilà. Bon, vous pouvez aller écouter ça. Voilà. Et Adrien, bon, ça écrit. Voilà, ouais, ça. Ouais. Non, et attends. Et bientôt, là, ça y est, on a une date. Il y a une bande-annonce qui est sortie du film Ange et Compagnie. Ah oui, pardon. Oui. Et oui, Ange et Compagnie de Vladimir Rodionov. Dans lequel. Le 7 mai. Je crois que c'est une semaine après. C'est ça. Hein. Non, je crois pas. Ah ouais, 7 mai, il me semblait. Ah oui, le 7 mai, excuse-moi. Le 7 mai, t'as raison, pardon. Le 7 mai, Vladimir Rodionov, voilà. Romain Lancry. Voilà, Julien Pestel, Chienne Boutella. Elodie Fontan, voilà, plein de gens qu'on adore. Et moi. Et Adri Méniel avec un bob. Donc voilà. Voilà, j'ai un look. Ouais, voilà. Bah, tu me répugnes. Enfin, oui. Bon, après, dans ton film, j'étais pas tellement plus. Oui, mais moi, c'était. Ouais. C'était mon rêve. Moi, je voulais gâcher la filmo de tous mes potes. Les Leroy, ça sert à ça à la base. Hein. Tu t'es fait plaisir. Ah bah ouais, Julien Pestel. Bon, Julien Pestel, par exemple, a une voix dans Les Leroy. Ouais. Où il fait un GPS raciste. Okay. Et mon seul but, c'était de mettre dans le générique. Le GPS raciste, et c'est ma fierté de Julien Pestel dans son IMDb. Entre deux gros rôles, il y a Julien Pestel dans le rôle du GPS raciste, et ça, c'est ma petite fierté. Est-ce que je peux faire un truc un peu ghetto? Mais je t'en conjure. Voilà, une petite dédicace. Oh, j'aime trop. Dédicace Rock. à tout le lycée, école Louis Ferry. Non, juste une personne. Dédicace à Cad Levray. Voilà, c'est ok. Et c'est un grand fan du podcast, donc voilà. Ah, et ben, on l'embrasse, on le salue. Bon, merci tout le monde. Merci. Salut, ciao. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.